pour aller chercher mes nouvelles lunettes à Nantes. À Nantes? Mais pourquoi Nantes? Ben, parce que c'est ce que j'ai trouvé de moins cher, hein. Ah, moi, que tu me dises que notre mutuelle a mieux à proposer? Non, je crois pas. Ben voilà. Mais tu sais, c'est pas si mal, Nantes. Je t'ai déjà dit que, plus jeune, j'habitais à Bordeaux. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Marion aurait pu bénéficier d'un réseau de plus de 5000 opticiens forcément près de chez elle. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Et c'est avec Jean-Baptiste Bergès qu'on fait un point complet sur la météo de ce dimanche. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. Alors ce dimanche va être marqué par ces pluies qui traversent la France d'ouest en est. En Ile-de-France en ce moment, le jour se lève, le ciel semble dégagé, mais ça ne va pas durer parce que les averses présentes ce matin en Pays de la Loire et en Normandie vont très vite se déplacer pour gagner les Ardennes en fin de journée. Il bruine en ce moment sur la pointe du Cotentin, aux alentours de Rennes, mais aussi à Nantes. De la pluie, il va y en avoir dans le sud-ouest. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, le ciel va se charger au fil de la matinée. Sur ces régions, des averses sont prévues, ce qui va rafraîchir l'atmosphère. Là-bas, on va perdre 10 degrés dans ces régions par rapport à la journée exceptionnelle d'hier. Et attention aux orages, ils sont attendus en Ariège, mais aussi sur le Massif central, la Lozère et les Pyrénées-Orientales. Seul l'est du pays restera au sec aujourd'hui. Le ciel va rester bien dégagé toute la journée là-bas et c'est à l'est qu'il va faire le plus chaud. On attend 26 degrés à Strasbourg, 26 également à Dijon, Lyon et Marseille au meilleur de la journée, alors qu'il ne fera que 18 degrés à Brest, 20 à Paris et 22 à Bordeaux. Ce matin, il fait 13 degrés à Lille, 15 à Versailles et 16 degrés à Montpellier. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 15h, Football Ligue 1, Saint-Etienne-Lille. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Toulon-Clermont. 17h, retour à la Ligue 1 avec Nancy-Nice, suivi à 20h45 de Marseille-Nantes. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Dans un instant, le week-end des experts auto, il est 8h sur RMC, toute l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, il n'y aura aucun mini-Calais, aucune mini-jungle en France. Le sort des migrants et la promesse de François Hollande hier qui se heurte aux oppositions un peu partout à l'installation de centres d'accueil. Les États-Unis et la police de Charlotte qui publiaient hier sa vidéo pour justifier son action qui a conduit à la mort d'un homme noir et qui a déclenché une vague de manifestations. Et puis le football et l'OL loin, très loin de ses ambitions. Nouvelle défaite hier de Lyon chez la Lanterne Rouge. Lorient, 8h01 sur RMC, bonjour à tous. À Tours, hier, demain, à Calais, François Hollande face à la question des migrants. Hier, dans un centre d'accueil, il affirmait qu'il n'y aurait donc pas de camp de migrants un peu partout en France. Il renouvelle sa volonté de créer des centres d'accueil et d'orientation répartis sur tout le territoire, sauf que les manifestations contre ces installations se multiplient. Hier, c'était dans les Yvelines, à Louveciennes précisément, Benoît Ballet. Depuis qu'il a appris l'existence du projet de centre d'accueil, Clément est à fleur de peau. Il habite à quelques minutes du lieu envisagé par la préfecture. On voit le résultat que ça donne à Calais avec des riverains qui n'en peuvent plus, avec une ville qui est complètement à l'abandon. Moi, je veux pas envie qu'un mini Calais arrive ici. Le site, propriété privée fermée par de grandes grilles à la peinture écaillée, est une friche industrielle. Florence Hénault, premier maire adjoint, conteste le choix des autorités. Il y a vraisemblablement des matériaux polluants sur le sol. Vous n'allez pas enfermer des gens entre quatre murs sur un site de ce type. Devant la gronde, la préfecture a suspendu le projet à condition que les élus locaux fassent des contre-propositions dans leur commune. Laure Jeunemann, responsable du collectif pour la sauvegarde de Louveciennes, n'est pas convaincue. Nous ne sommes pas naïfs. Il cherche à imposer par la force sa décision et veut faire porter la responsabilité de l'échec sur les communes. Donc on trouve que la manœuvre est vraiment détestable. À Louveciennes, le combat ne fait que commencer. Une nouvelle manifestation est prévue dimanche prochain. Merci encore à tous d'être là. Le reportage dans les Yvelines de Benoît Ballet. Parole contre parole. Vidéo contre vidéo, policiers et minorités noires continuent de se déchirer à Charlotte, aux États-Unis. Hier, la famille de Keith Scott publiait sa vidéo. Cette nuit, c'était au tour de la police. Voilà, c'était donc mardi dernier, Keith Scott, abattu par les forces de l'ordre. Philippe Gasso, vous êtes le correspondant d'RMC aux États-Unis. Philippe, finalement, cette vidéo n'est pas très convaincante. Eh bien oui, les images diffusées avec l'assentiment du gouverneur de Caroline du Nord ne semblent pas avoir calmé la population. La vidéo qui est passée sur toutes les télévisions américaines n'apporte aucun élément définitif. On voit et l'on entend la police qui, abritée derrière des voitures en stationnement, ordonne à un homme que l'on ne voit pas, enfermé à l'intérieur d'un véhicule blanc, de jeter son arme. L'ordre sera répété. Dans le même temps, la femme de cet homme encerclé filme avec son portable. On l'entend crier « Ne tirez pas, ne tirez pas, il n'est pas armé, il n'a rien fait ». Et des coups de feu, clac, Kess Scott est mort juste avant. L'homme est sorti de sa voiture à reculons, les bras le long du corps. Les photos d'une arme et de son étui seront diffusées. Elles seraient celles de la victime. Mais sur la vidéo, rien ne permet d'affirmer ou d'infirmer que l'homme mis en joue par la police tenait bien une arme. Philippe Gasso, le correspondant d'RMC aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, on vous en parlait hier, cette fusillade dans un centre commercial à l'ouest du pays, dans l'état de Washington. Le tireur qui a tué 5 personnes a été capturé cette nuit. Il s'agit d'un homme d'origine turque. Il est âgé d'une 20aine d'années. La trêve conclue il y a 2 semaines est un très très loin souvenir. C'est un cauchemar que sont en train de vivre les habitants d'Alep, en Syrie, la 2e ville du pays sous les bombes. Depuis maintenant 6 jours, le régime de Bachar el-Assad et la Russie à la manœuvre. Paris, Londres et Washington dénonce. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir aujourd'hui. Voilà pour la diplomatie. En attendant, sur place, c'est l'horreur décrite par Marc Laverne, spécialiste du Moyen-Orient au CNRS. Aujourd'hui, il y a 250 000 personnes qui sont terrées dans ces quartiers et qui sont matraquées par les bombes. Mais il n'y a évidemment plus d'écoles, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'eau courante. On survit parce qu'il n'y a quand même pas un mur entre les deux zones d'Alep, mais il y a des parties d'Alep où les gens vivent normalement, travaillent, il y a des administrations, il y a tout un fonctionnement de l'État. Et puis, il y a cette partie de gens qui sont terrés et qui se ravitaillent comme ils peuvent et qui sont vraiment terrés dans des caves et sous des décombres. Les précisions du chercheur au CNRS Marc Lavergne. 3 ans après l'enquête relancée, l'affaire des disparus de Perpignan. En juillet 2013, Marie-Josée Benitez et sa fille Alison disparaissaient depuis aucune trace. C'est le mari et le père des deux femmes, Francisco Benitez, qui est le principal suspect. L'homme s'est suicidé quelques semaines après l'affaire. Et puis vendredi, un membre de la famille a découvert des restes humains autour d'un étang de la région, découverte décisive pour l'avocat de la famille Étienne Nicolo. La découverte de ces ossements, s'ils sont, comme on le pense, ceux de Marie-Josée et d'Alison Benitez, doit permettre une avancée dans l'enquête pour savoir comment elles sont mortes. Les familles des victimes ont aujourd'hui un espoir d'avoir enfin une trace des corps d'Alison et de Marie-Josée Benitez. Ça permet un apaisement de savoir qu'on peut donner une sépulture décente aux membres de la famille. Étienne Nicolo interrogé par Antoine Boyer. Pas de klaxon, pas de moteur, pas de fumée qui sort du pot d'échappement. Dimanche, au calme, à Paris, opération ville sans voiture ce dimanche. 45%, près de la moitié de la capitale interdite aux véhicules. Alors même si ça fait râler pas mal de Parisiens, l'adjoint au maire Christophe Najdowski est clair, c'est ça l'avenir. Le 20e siècle a été l'ère du tout automobile. On considérait que la voiture était un instrument d'émancipation, de liberté. Aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à l'ère de la multimodalité, c'est-à-dire que la voiture va toujours être présente dans nos villes, mais elle sera moins utilisée et on va la combiner aussi avec d'autres modes de transport. Donc ça peut être de l'autopartage, du covoiturage, des vélos en libre-service, des autolibres. Donc ce changement, il est en cours, il est à l'œuvre, il est irréversible et donc forcément, ça veut dire qu'on se déplacera différemment demain. Christophe Najdowski interrogé par Charlotte Perronnet, 8h07 sur RMC. Une 3e défaite en 7 matchs et la dernière chez la Lanterne Rouge. Lorient, début de saison bien délicat pour Lyon en Ligue 1 de football, défaite 1-0 donc hier. Et le patron Jean-Michel Aulas n'est pas vraiment satisfait. Pendant tout le match, on avait l'impression que cette équipe de Lorient qui lutte pour quitter la dernière place en voulait plus que nous qui luttons pour revenir sur le podium. La prestation n'est pas en relation avec le potentiel du groupe, donc on est tous très déçus et je sais que les joueurs le sont aussi et qu'ils vont se remettre en question car 3 défaites en 7 matchs, c'est beaucoup trop pour une équipe du standing de Lyon, donc voilà, on est malheureux et déçus. Et à l'inverse, Monaco a gagné hier 2-1 face à Angers, Monaco qui reprend sa place de leader. Hier soir, Bastia a battu Guingamp 1-0, même score pour Metz à Montpellier, Dijon écrase Rennes 3-0, enfin 0-0 entre Bordeaux et Caen. La suite aujourd'hui pour conclure, l'OM qui reçoit Nantes ce soir. Le rugby, Toulouse qui reprend un petit peu de couleur en top 14, victoire hier sur le Stade Français, 23-11, des victoires également pour La Rochelle, Bordeaux-Bègles, Pau et Castres. Et puis c'était la belle histoire des Jeux de Rio. Rio cet été, le couple Tony Yoka et Estelle Mosley, tous deux médaillés d'or en boxe. Eh bien, la belle histoire se poursuit, notamment pour le boxeur. Elle se poursuit en musique, puisqu'il est célébré, c'est de cette manière qu'il est célébré aujourd'hui, Vincent Delzesco. J'arrive de loin comme le crochet gauche à Yoka. Rendre hommage à Tony Yoka, mais surtout s'inspirer de sa réussite. Voilà le message envoyé par le groupe Chaotic et un de leurs chanteurs, Lasmi. C'est une sorte de lui montrer qu'on est fier de lui. On peut qu'essayer de faire comme lui, quoi. Parce que des talents, il y en a partout. Il y en a dans le sport, dans les études. Nous-mêmes, on essaye dans la musique et il reflète un peu tout ça, Tony. Tony Yoka qui a pris part au clip en revenant de Rio, ravi d'avoir pu mettre toute sa ville en lumière. Super heureux parce que souvent il y a des clichés, équipe de rap, mal fréquenté, etc. Alors que là non, pas du tout. Il y avait des personnes âgées, il y avait mes parents, il y avait des petits, il y avait vraiment tout le monde. Toute la ville était réunie autour de ce clip et a dansé tout l'été. Une Yoka Mania à Chanteloup-les-Vignes qui ne devrait pas non plus s'arrêter cet automne. Yoka. Voilà la boxe en musique, 8h09 sur RMC. Les oui. courses. Un petit peu de musique. Si, une petite musique des courses. Exactement. Tiers écarté, quinté plus cet après-midi à Vincennes, Thomas et Sébastien Arras est confiant. Avec le 11 Classic Way, le 12 Cœur Baroque. Brahim Asloum reste fidèle au 15 Traders. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 7 Chicago Blues et le 10 Cara Williams. Le 11, le 12, le 15, le 7 et le 10. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et dans un instant sur RMC, le week-end des experts se poursuit avec l'automobile et Jean-Luc Moreau. Vos questions auto au 32-16. Et puis avec Jean-Luc, nous allons fêter dignement la journée sans véhicule dans Paris. Il est, mais alors écoutez, il est mais en pleine forme, Jean-Luc Moreau. On va le retrouver dans une minute. À tout de suite. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la Freebox Révolution ? Mais bien sûr que je peux te le dire. Pour son lecteur Blu-ray inclus et ses appels vers les mobiles. Ah oui. Plus d'infos sur Free.fr ou 1044. Merci Free. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur Leduc que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer, taxe, crédit, bail, maintenance, 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous conditions de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voir Renault.fr. Et si les pros communiquaient sans compter à travers toute l'Europe ? Moi, avec Orange, j'ai les SMS et MMS illimités en France. Et moi, avec Orange, j'ai les appels illimités en France et en Europe pour joindre mes clients. Et ben moi, avec Orange, j'ai 25 gigas d'internet mobile dans toute l'Europe. Il serait peut-être temps que tu prennes des cours d'anglais. Avec les forfaits mobiles Performance Pro et Open Pro d'Orange, communiquez avec vos clients sans compter en France et dans toute l'Europe. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable sur certaines offres, conditions et tarifs sur orangepro.fr. RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. 8h11 et c'est parti pour le week-end des experts. L'automobile jusqu'à 10h sur RMC, votre rendez-vous auto du dimanche matin. Jean-Luc Moreau, bonjour. Bonjour monsieur François et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Jean-Luc, dans ce rendez-vous, nous célébrons l'automobile. Eh oui. Et c'est aujourd'hui à c'est Paris. C'est un gros paradoxe. Que nous célébrons aussi l'automobile avec cette journée sans voiture dans Paris. Enfin, quand je dis Paris, on va dire dans le centre de Paris. Dans le centre de Paris, ça va. Mais ça va s'étendre. Moi, je vous prédis que dans les années qui viennent, ça va être tout Paris. Mais alors, ensuite, vous êtes venu ça comment, sera Jean-Luc le week-end sans voiture et après la semaine sans voiture et on finira par l'année sans voiture. Comment vous êtes venu alors ? Vous avez contourné. Non, moi je suis venu en voiture. Moi j'ai le droit. Là où vous avez le droit. Je passe par le périphérique. Mais heureusement que les studios des RMC ne sont pas au centre de Paris. Typiquement, on aurait eu un problème. Il n'y aurait pas d'émission. Il n'y aurait pas eu d'émission. Parce que en fait, il y aurait une. Moi, la journée sans voiture, je suis tout à fait d'accord s'il y a des propositions alternatives. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, s'il y a un bus qui vient me chercher chez moi et qu'ensuite on propose un vélo à assistance électrique pour rentrer dans Paris, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est que c'est pas exactement c'est pas tout ça. C'est pas tout à fait le cas. Bon. On évoquera tout ça tout à l'heure. Mais le paradoxe, c'est que ça bientôt arrive à Paris. Bah, cette semaine. Cette semaine. De l'automobile. Le mondial de l'automobile. Qui reste le premier salon automobile du monde pour l'instant. Tout à fait. Vous voyez le paradoxe. Pour fêter le mondial de l'auto, Paris fait la journée sans voiture. il y aurait un petit peu de provocation de la part de la municipalité. Non, je pense pas. Que ça ne m'étonnerait pas. Vous pensez qu'ils ont fait exprès dans le calendrier? D'ailleurs, tout à l'heure, on aura avec nous donc le commissaire général du salon, Jean-Claude Giraud. Oui. On lui posera cette question, bien évidemment. Est-ce que c'est encore simple d'organiser un salon automobile à Paris? Peut-être qu'il va pas venir. Non, mais je pense qu'il pourra y répondre facilement. Et puis, j'aurai une petite surprise pour lui, en revanche. On pourra peut-être poser aussi. Jean-Luc, on pourra aussi peut-être poser la question au directeur général de Peugeot. Oui, on aura le directeur général de Peugeot, Jean-Philippe Imparato. Qu'est-ce qu'il pense de cette journée sans voiture? Exactement. Qu'est-ce que pensent les constructeurs français de la politique un petit peu, on va dire, autophobe, pas que de la mairie de Paris, mais de... Voilà. Tout, bon, alors, ce tout sera notre que, gouvernement. Ça puisque... sera qu'un angle du sujet parce qu'on aura oui, bien non, évidemment non, non, on plein d'autres bien choses évidemment des à nouveautés évoquer. Du mondial et de tout ce qu'il y aura de beau à voir sur ce mondial de loto. Alors, outre le mondial de loto, justement, prochain. Paris accueille dès ce week-end la 50e édition du salon des véhicules de loisirs, Jean-Luc. Exactement. Alors là, c'est en dehors de Paris, donc vous pouvez y aller aujourd'hui. C'est au parc des expositions du Bourget. Alors, vous savez que le camping-car a fait un bond là au mois d'août. J'ai vu le chiffre à confirmer tout à l'heure, mais je crois que c'est plus 30%. C'est bien. D'augmentation, c'est un truc de fou. J'ai vu des camping-cars, on peut rentrer la voiture dedans. C'est incroyable. Notre bon plan auto, peut-on vendre une voiture sans carte grise? L'essai de la semaine, ça sera la nouvelle Volvo V90. Et puis, bien sûr, toutes vos questions auto dès maintenant. Le 3216, n'hésitez pas à nous appeler, les amis. On commence avec Jean-Claude qui est avec nous au 3216. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Laurent, bonjour Jean-Luc. bonjour Laurent, bonjour Pierre. Oui. bonjour Jean-Claude. Voilà. Allez-y Jean-Claude. Oui, écoutez, voilà ma question. Donc, je suis propriétaire depuis 2012 d'une Prius dont je suis très très content, mais qui a 165 000 km et que je souhaite changer. Bon, François, ma femme, me dit qu'il faudrait une voiture un petit peu plus haute, donc un SUV nous irait très très bien. Un SUV, alors, ouais, voilà. Allez. Oui, alors écoutez, dans le cahier des charges, donc, va écouter un budget de 30 000 euros environ, une voiture donc un petit peu plus haute, automatique, un coffre généreux et plat. Très important, parce qu'on a des déménagements prévus. Ouais. Et puis, donc, je fais 35 000 km, mais je ferai peut-être un petit peu moins, donc 20 000 km, ce qui fait qu'une essence pourrait m'aller. D'accord. Alors, j'avais pensé au CHR Toyota, mais il me semble qu'il sera trop petit. Oui, ouais, allez-y, je vous écoute, parce que j'ai une idée derrière la tête, évidemment. Et puis, mon ami Laurent là, me conseille François. Un Hyundai Ioniq. Alors, j'avais pensé finalement au Qashqai essence. Alors, j'ai encore autre chose. Jean-Claude, asseyez-vous. Voilà. Voilà, vous êtes déjà assis, c'est bien. La Hyundai Ioniq serait une concurrente en hybride. Elle existe en hybride et en électrique. Serait une concurrente de votre Prius 2 de 2012. Mais j'ai compris que vous vouliez un crossover ou un SUV, c'est-à-dire un véhicule avec une position de conduite un peu plus haute, avec la possibilité de charger des choses puisque vous faites des cambriolages et donc vous avez besoin de mettre des choses dans la voiture. Et j'ai une proposition parce que vous m'avez cité le Qashqai, on pourrait citer le Kadjar qui est le véhicule le plus vendu dans le segment, le Renault Kadjar et le Nissan Qashqai. Mais comme vous avez déjà goûté à l'hybride et qu'en plus vous voulez une voiture avec une boîte automatique, eh bien j'ai une proposition nouvelle à vous faire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous m'avez parlé d'Hyundai, la marque, la sister marque de Hyundai, c'est Kia, et Kia propose un crossover hybride essence, c'est le premier de sa catégorie, qui s'appelle le Niro. Donc vous avez une position de conduite un peu surélevée, vous avez un coffre, alors qui est certes pas le plus grand dans la catégorie, quand la banquette n'est pas rabattue, il fait de mémoire 427 litres, mais banquette rabattue, ça va jusqu'à 1425 litres, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez une qualité de fabrication qui est plutôt très bonne, une consommation qui sera pas supérieure à celle de votre Prius 3, votre Prius 3, oui, de 2012. À mon avis, et puis vous avez une boîte robotisée à double embrayage qui n'a pas l'inconvénient de la transmission à variation continue des hybrides Toyota, c'est-à-dire que quand vous accélérez un peu fort, ça mouline pas autant. Voilà, donc c'est plus agréable à conduire, vous faites 20 000 km par an. De toute façon, ce genre de véhicule, la consommation réelle, on est entre 5 litres et demi au 100. Donc ça reste extrêmement raisonnable et sans avoir les défauts inhérents SUV. Alors vous, oui, vous alliez plutôt vers l'essence, mais le problème d'un Qashqai essence ou d'un Qajar essence, c'est que il va manquer un petit peu de nerfs à bas régime, parce que les moteurs essence sont un peu moins coupleux que les diesels, et vous allez avoir une consommation qui, par rapport au Niro, va être 2 litres supérieure, même un peu plus de 2 litres supérieure. Donc franchement, en plus le Niro, il est dans votre budget. Pour 28 000, la finition intermédiaire qui s'appelle Active, qui est déjà extrêmement bien équipée, puisque vous avez le GPS avec 7 ans de mise à jour TomTom en plus qui sont inclus dedans, plus la garantie 7 ans de Kia, est à 28 000 euros et des brouettes, et vous avez 750 euros de bonus écologique. Donc c'est tout trouvé, Jean-Claude. Kia vous a écouté, ils vous ont fait la voiture exprès pour vous. Voilà. C'est bien. Bah oui, c'est bien. Jean-Claude. C'est bien, en plus, c'est sympa à conduire. C'est un modèle assez dynamique. On en a parlé d'ailleurs. Alors, je vous conseille, tiens, pendant qu'on y est, Jean-Claude, ne prenez pas les grandes roues de 18 pouces, qui sont une option sur cette finition intermédiaire. Prenez les roues de 16 pouces d'origine. C'est plus confortable. C'est un petit peu moins joli, mais c'est plus confortable et ça consomme un peu moins également. Alors, donc, ça n'a que des avantages. 8h18, Jean-Claude, merci. On revient dans un instant. Michel aimerait parler avec vous de Fiat Tipo. Ah bah allons-y, pourquoi pas, oui. Hein, le 3216, auto@rmc.fr. N'hésitez pas à joindre Jean-Luc Moreau ce matin, à tout de suite. RMC 8h10h. Votre auto. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins qui font leur anniversaire avec une bougie et trois cotillons. Et puis il y a l'anniversaire La Paire avec plein de petits prix et des centaines de promotions. Jusqu'au 2 novembre, pendant l'anniversaire La Paire, il y a par exemple jusqu'à 25% de remise sur les fenêtres PVC ou aluminium sur mesure. Moins 25% sur les fenêtres. L'anniversaire La Paire, mais c'est sûr, il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Bonjour, vous êtes chez Martin Plomberie. Je répare une dizaine de fuites, j'installe la tuyauterie d'un immeuble et je serai de retour d'ici une petite demi-heure. On est plus efficace quand on travaille avec Citroën Berlingo. En ce moment, Citroën Berlingo Blue HDI, élu utilitaire de l'année au Trophée Argus, est à partir de 129 euros par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 3110 euros, offre non cumulable hors taxe sous conditions de reprise réservée aux professionnels, valable jusqu'au 31 décembre. Détails sur citroencarstorepro.fr. Le Cross du Figaro revient dans un nouveau format et s'associe au Téléthon. Choisissez votre distance, 5, 10, 15, 20 km, votre jour et heure de départ. Faites avancer la recherche en soutenant le Téléthon. Plus vous courez, plus vous donnez. Le nouveau Cross du Figaro, les 26 et 27 novembre au Parc de Saint-Cloud. Inscription sur crossdufigaro.com. Top! J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, ce sont les 30 jours de l'expert. 30 jours d'offres tip-top. Exemple, pour votre carte grise, Feu Vert s'occupe de tout. Il vous offre 10 euros sur votre prochain achat. Mais attention, vous n'avez plus que 4 jours pour en profiter. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 8h20, c'est RMC le week-end des experts, l'automobile. Dans quelques instants, la météo, les infos. Mais d'ici là, place à vos questions au 32-16 et on accueille Michel. Bonjour Michel. Oui, bonjour François, bonjour Jean-Luc. Voilà, bonjour Michel. Je suis un fidèle auditeur de votre émission. Voilà. Ça fait plaisir, merci. J'ai une petite question. J'envisageais de changer de voiture, mais je ne suis pas pressé. Bon, j'ai profité des journées portes ouvertes. La nouvelle Fiat Tipo m'avait séduit par son allure, son style. Hein. Alors, donc, en trois volumes ou en cinq portes? En cinq portes. Vous savez qu'elle est un peu plus chère. C'est bizarre d'ailleurs cette politique de Fiat. En fait, la plus longue est moins chère que la plus courte. Le modèle avec coffre est moins cher. Tiens. Oui. Les journées portes ouvertes. J'ai essayé la SW là. Et Le break. Le break, voilà, oui. Alors donc, je me pose quand même des questions parce que la 120, d'abord, elles ont le malus, là, la 95 à 150 euros de malus, la 120, 250 euros. Et puis, la 120 chevaux, 1 litre 4, elle fait 7 chevaux fiscaux. Ouais, mais enfin bon, faut pas s'arrêter à des détails comme ça. Ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est vrai qu'elle est extrêmement bien positionnée en matière de rapport prix-prestation. Alors le 95 chevaux, je sais pas dans quelle région vous habitez. J'habite l'Hérault, la région de Montpellier. C'est tout plat. C'est plat, mais il y a du vent. Alors, quand vous aurez le vent dans le nez, qui sera fort et qu'il faudra doubler, les 95 chevaux avec la voiture chargée, c'est pas qu'il marche pas bien, ce petit moteur. Il est vraiment volontaire. Il prend des tours, il a même un bruit relativement agréable. Malheureusement, avec 95 chevaux, mais ce qui compte le plus, c'est qu'il n'y a que 127 Nm de couple à 4500 tours. Et comme la berline en question fait pas loin d'une tonne d'œufs, dans les relances, il faut descendre une voire deux vitesses. Donc bon, franchement, aujourd'hui, on n'est plus habitué à ça. C'est vrai que 20 ans en arrière, ça... C'était quelque chose de commun. Dès qu'on doublait, on rentrait de vitesse. Aujourd'hui, on est habitué au couple des voitures modernes et principalement des diesels. Donc, ce manque de couple, c'est pas forcément bien, même en termes de consommation, parce que ça oblige à solliciter le moteur. Oui. Le bloc turbo-essence 1,4 litre, 120 chevaux, lui avec un turbo, il passe à 205 Nm. À 2500 tours. On est passé de 127 à 4005, à 205 à 2005. En fait, il a même plus de couple en bas, tout en bas, qu'un diesel. Donc il est super agréable à conduire. C'est un diesel sans la rugosité et sans le manque de couple en bas. Donc franchement, lors de la journée portes ouvertes, j'ai fait l'essai de la 120 chevaux là, sur une distance très très courte. Vous avez fait le tour du pâté de maison, vous n'avez pas pu vraiment voir en compte. Le tour de la concession là, voilà. Mais j'étais agréablement surpris parce que moi j'ai un litre neuf Volkswagen TDI là. Les castagnettes. Mais enfin, disons, il a de la pêche, donc j'ai pas été déçu de. C'est vraiment moi. Si c'était moi, mais c'est vous qui payez, mais si c'était j'irais plutôt sur cette motorisation-là, hein, le 1 litre 420 chevaux, d'autant qu'en plus, la version, on dit haut de gamme, avec le GPS, la caméra de recul, les jantes alu, le freinage d'urgence, enfin absolument tout, y compris le lave-vaisselle à l'arrière, coûte 19 990 euros, c'est très concurrentiel par rapport à la concurrence. En plus, vous pouvez, on peut obtenir un peu des tarifs, mais je le dis pas fort. On peut négocier. Oui, mais c'est vrai que, cette histoire de malus quoi de 250 euros. Attendez, 250 euros. Vous imaginez quand même que là ils sont en train de nous préparer encore. C'est génial. Vous savez que le système du bonus-malus, normalement, je fais une petite parenthèse, il doit être équilibré, c'est-à-dire que les recettes du malus doivent financer les bonus. Or, ça fait quand même 2 ans qu'ils engrangent des bénéfices, un peu plus de 200 millions en 2 ans. Ces 200 millions-là, on ne sait pas où ils sont partis, entre parenthèses. Voilà. Donc, et cette année, on nous dit, on va renforcer le malus l'année prochaine pour continuer à distribuer des bonus. Pinocchio ne ferait pas mieux, hein, comme gros mensonge, puisque déjà, ils sont bénéficiaires et disent, on renforce le malus. Ça veut dire que là, il nous prévoit de descendre le malus à partir de 127 grammes de CO2 par kilomètre. Et ceux qui, normalement, dépasseraient, avant c'était 200 grammes, maintenant on parle de 191 grammes de CO2, ils vont passer de 8000 à 10 000 euros de malus. Et parallèlement à ça, les voitures hybrides qui ne sont pas rechargeables n'auront plus de bonus. On nous prend vraiment pour des électriques, voilà, exactement. L'automobiliste, il est bien connu que... Voilà. Et tout ça, je le dis quand même, pour ceux qui nous écoutent d'une oreille distraite, ça sert à financer en grande partie les transports en commun. Donc ceux qui tapent sur la voiture en disant « ouais, il faut arrêter la voiture », la journée sans voiture à Paris, c'est très bien. Mais demain, s'il n'y a plus de voiture dans notre pays, il n'y a plus de transports en commun. On met les autocars sur les routes maintenant. Mais c'est interdit un autocar, ça roule. Oui. Alors, donc, oui, je disais, est-ce que ce n'est pas des vieux blocs Le 1 litre 4, là, c'est vraiment un moteur moderne. Le 1 litre 4 95 Atmo a été quand même extrêmement modernisé par rapport à ce qu'il a, par rapport à ses débuts. Et l'autre, le moteur turbo, c'est des moteurs de dernière génération. Il n'y a pas de risque de ce côté-là. Merci beaucoup Michel. On va revenir dans un instant, bientôt 8h30 sur RMC, notre bon plan auto. Peut-on vendre une voiture sans carte grise? Une Fuego par exemple. Ah, et si on a une carte grise, c'est encore mieux, non, j'imagine? Alors, c'est comme si ça revient au même. Finalement, d'accord. Et puis l'essai de la semaine, ça sera la nouvelle Volvo V90 D5 AWD. Ah oui, ça, une idée de cadeau pour Noël, tiens. Aïe, aïe, aïe, j'ai peur quand vous parlez de Noël comme ça. Bah oui. Je suis obligé de faire des économies pendant des années pour vous offrir votre cadeau. Bon, attendez, 75 000 euros, faut pas exagérer, c'est pas si cher. Gloups. La météo, les infos, et on est de retour sur RMC. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook, Votre Auto sur RMC. Le prix direct collecte, c'est aujourd'hui seulement et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'un kilo de moules, de bouchons ou de Hollande, le deuxième kilo est offert. Oui, le deuxième kilo est offert. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Moules de bouchons élevées en France ou moules de Hollande élevées aux Pays-Bas, selon approvisionnement en magasin. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert. Avec ses portes coulissantes main libre, sa navigation connectée, son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modiwork et son moteur 2 litres Blue HDI offrant la consommation la plus basse de sa catégorie. Nous comptons sur vous. Professionnel, découvrez le nouveau Peugeot Expert dans le réseau Peugeot. Détails sur peugeotprofessionnel.fr. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, toutes les entreprises doivent souscrire à une complémentaire santé. Je l'ai fait. Des questions ? Oui, Catherine ? À quoi a-t-on droit avec notre mutuelle ? Est-ce qu'on peut savoir où on en est dans nos remboursements, par exemple ? Ah, bonne question, Catherine. D'ailleurs, faut arrêter avec les bonnes questions. Hein. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Catherine aurait pu profiter d'une application de gestion personnalisée pour ses dépenses de santé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Et c'est avec Jean-Baptiste Bergès qu'on fait un point sur la météo de ce dimanche. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour tout le monde. L'automne est là, enfin aujourd'hui. La pluie signe son grand retour ce dimanche, surtout dans le sud-ouest de la France. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, jusqu'aux portes du Massif Central. Il va pleuvoir, même si ce matin le ciel semble être dégagé par endroits. Il va très vite se charger au cours de la matinée. Et des averses vont vous accompagner toute la journée. Des orages sont aussi à prévoir en Ariège, en Lozère, dans les Pyrénées-Orientales et à l'est du Massif Central. De la pluie, il y en a aussi en ce moment en Pays de la Loire et en Normandie. Et ces averses vont gagner l'Île-de-France et les Ardennes au fil de la journée. À l'arrière de cette dégradation, par contre, en Bretagne notamment, la journée sera mitigée avec quelques éclaircies, tout de même possible. Et puis en fait, il n'y a qu'à l'est de la France que vous serez bien au sec. Alsace, Rhône-Alpes ou encore dans la Drôme, la journée va être très belle encore et c'est vous qui aurez le plus chaud. On attend 26 degrés à Strasbourg, 26 à Lyon, 26 à Valence. Cet après-midi, il fera 20 degrés à Paris, 25 à Marseille, 22 à Bordeaux. Et ce matin, le thermomètre affiche 12 degrés à Lille, 15 à Paris, 19 à Toulouse et 20 degrés à Toulon. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'était RMC 8h30. Un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Pas de bruit de moteur, pas de klaxon. Paris, ville sans voiture aujourd'hui. Deuxième année consécutive que la mairie organise cette opération. Entre 11h et 18h, aucune voiture autorisée à circuler sur 45% de la surface de la capitale. La politique ce dimanche, sondage dans la presse régionale. Dernier chiffrage de la primaire, les Républicains. C'est toujours Alain Juppé qui est en tête au premier tour. 38% des voix contre 34% à Nicolas Sarkozy. L'écart est de 12 points entre les deux hommes au second tour selon l'Institut BVA. Le scénario se répète à Calais, la mort d'un migrant tard hier soir, un homme d'une trentaine d'années d'origine soudanaise happé par un train alors qu'il traversait sur le chemin de fer à deux pas de la jungle. François Hollande sera sur place à Calais demain. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui. Réaction à la situation dramatique de la ville d'Alep en Syrie. 2 millions d'habitants sous les bombes du régime syrien aidé par la Russie. Aux États-Unis, la vidéo n'apporte que très peu de détails, d'informations supplémentaires, mais la police à Charlotte a été contrainte de la diffusée vidéo de la mort de Keith Scott qui a provoqué une vague de manifestations dans la ville. Les sports ce matin, la Ligue 1 de football, 7e journée, Monaco leader après sa victoire 2-1 sur Angers hier soir. Lyon a perdu encore 1-0 à Lorient, des victoires hier soir pour Bastia, Dijon et Metz. En clôture aujourd'hui, Marseille reçoit Nantes. Et puis le rugby, le top 14 et La Rochelle devant, classement, la belle histoire se poursuit. Victoire sur Bayonne hier. Castres, Bordeaux-Bègles, Pau et Toulouse ont également gagné. 9h31 sur RMC. Jean-Luc Moreau, François Sorel, messieurs, votre auto. Merci Thomas, et un prochain point sur l'actualité, ce sera à 9h. D'ici là, bien sûr, vos questions auto au 3216 ou auto@rmc.fr. Peut-on vendre une voiture sans carte grise ? Jean-Luc Moreau a enquêté la réponse dans un instant, à tout de suite. RMC, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Merci d'être avec nous. Très très bon dimanche avec RMC. Peut-être venez-vous de nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Jusqu'à 10h, c'est votre rendez-vous auto du dimanche. Et puis ensuite, ce seront les GG du sport jusqu'à 13h. Jean-Luc Moreau. Si pronto. Attention, attention, Jean-Luc, l'essai de la semaine, la Volvo V90 DSAWD. DSAWD, mais qu'est-ce que ça D5. Peut bien vouloir dire? D5, c'est le moteur diesel, ah ouais. Voilà. Il n'est pas 5 cylindres, hein, il est 4 cylindres. D'accord. D5 et AWD, c'est All Wheel Drive. All Wheel Drive. Oui, ça veut dire c'est quoi? Qu'on conduira tous, en fait. Non, c'est 4 roues motrices, oh là là. 4 roues motrices? Eh oui, toutes les roues motrices. Donc, comme il y en a 4, c'est 4 roues motrices. Ah oui, c'est pas bête, ah ouais, hein, finalement. Bah ouais. Ouais. Le bon plan auto dans un instant. Peut-on vendre une voiture sans carte grise? Mais auparavant, c'est Jean-François que nous accueillons au 3216. Bonjour Jean-François. Bonjour. Bonjour Jean-François. Bienvenue. Eh ben, merci de m'accueillir. Qu'est-ce qui vous arrive? Avec plaisir, vous, Jean-François. Voilà, moi j'ai un problème. J'ai acheté un Fiat Ducato. D'accord. Fin décembre 2010. J'en suis bien content. Neuf ou occasion? Pardon? C'était un neuf ou d'occasion? Neuf. En concession, je l'ai acheté. D'accord. J'en suis bien content. J'ai juste eu les freins derrière qui ont lâché et ça a rayé les tambours que j'ai dû changer. Mais c'est pas pour ça que je vous appelle. D'accord. À 85 000, j'ai dû changer l'embrayage. Oui, en fait, vous en faites quoi avec ce Ducato? Il sert à quoi? Eh ben, il sert à rouler avec maximum 200 à 300 kilos de charge dedans. Je fais que des routes nationales, voire des autoroutes, et c'est des trajets de 150 à 500 kilomètres. D'accord. Il est utilitaire, il est ben, il est quoi? Il est utilitaire, oui. D'accord. Oui. D'accord. Donc oui, c'est un utilitaire que vous avez acheté, et à 85 000 kilomètres, l'embrayage était foutu, et vous trouvez ça bizarre. Eh ben, exactement. Mais le pire, c'est que, donc ils me l'ont changé, ils m'ont dit non, mais il y a les ressorts, enfin, le disque est usé, je lâche jamais le pied sur la pédale. Jean-François, 85 000 km, un utilitaire, en plus, bon alors le Ducato, c'est pas du gâteau. Oui, oui. Non, moi, non là, mais c'est là qu'il fallait. Ouais, non, mais le Ducato a pas un embrayage. Il y a des moments où il faut vite enchaîner. Pas un embrayage réputé particulièrement costaud. Il y a des gens qui ont. Il y a beaucoup de camping-cars. Je crois d'ailleurs, on posera peut-être la question tout à l'heure à un responsable du salon du camping-car, du salon des véhicules de loisirs qui se déroule actuellement à côté de Paris. Il me semble que plus de 70% des camping-cars sont construits Ducato, sur des bases de Ducato. Oui. Tiens. Et il y a certains camping-cars, ils font... C'est plutôt costaud alors. Oui, c'est costaud, ça marche très bien. Mais c'est étonnant parce que le moteur marche très bien, mais l'embrayage, c'est peut-être la faiblesse. Parce qu'il y en a qui font 20 000 km avec leur camping-car. C'est pas beaucoup. Voilà, donc 85 000, franchement. Bon. Mais c'est que le pire, ils me l'ont changé. Oui. Donc ça m'a coûté plus de 1500 euros. Bah oui, mais bon. Et puis, 50 000 kilomètres après, rebelote. Ben ouais. Et là, donc, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Enfin, il doit y avoir, je sais pas, un problème d'axe ou de... Non, tout va bien. Ben alors, non. J'ai dit, mais enfin, c'est pas normal. Un coup, 80 000, après 50 000. Je dis, si ça accorde, je vais le changer dans 30 000 maintenant. Vous habitez pas dans une rue en côte où vous faites un démarrage à froid en côte tous les matins? Non. Parce qu'il y a ça, vous habitez quoi, dans quelle région, Jean-François? À Lyon, région de Lyon. Bon, ça monte, ça descend, donc parfois, vous savez, un embrayage, il y a eu, je vais vous raconter une histoire un petit peu étrange, pendant un moment, je crois que c'était des Renault à l'époque, avaient une sorte d'épidémie de panne sur les embrayages de certains modèles. Et ils trouvaient pas d'où ça venait parce qu'en fait ils ont changé le type des garnitures et ils se sont rendus compte que en fait les gens qui montaient les voitures sur les trains, vous savez, oui. Quand ils montent les voitures sur les trains, les voitures qui étaient dans la partie du haut, la rampe pour monter sur la partie du haut, ceux qui montaient les voitures sur les trains faisaient patiner exagérément les embrayages. Et ça les cramait. Ouais, et ben c'est pourtant pas en plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, c'est juste en quelques mètres. Ça suffisait à réduire la durée de vie des embrayages qui lâchaient derrière. Ouais. Donc il a fallu un petit moment pour arriver à trouver la raison de ces pannes. Donc dans votre cas, je vous ai dit tout à l'heure, le Ducato, il n'est pas réputé pour avoir un embrayage d'une solidité phénoménale. Donc 50 000 kilomètres, certes, c'est pas beaucoup par rapport à certains concurrents, mais c'est pas normal. 85 000 kilomètres pour un utilitaire, sauf à faire l'autoroute. Celui qui fait de l'autoroute en permanence, c'est vrai que l'embrayage va durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, si vous démarrez, que vous vous arrêtez, que vous avez de temps en temps une charge de 300 kilos, bah, il faut l'attirer, la charge de 300 kilos plus le poids du véhicule. Donc, l'embrayage est un peu sous-dimensionné. Jean-Luc, dans un instant, on aura le témoignage d'Alexandre, qui va nous raconter une histoire incroyable. Oui. J'ai reçu le témoignage d'Alexandre sur mon Twitter fsorel. Et je vous l'ai envoyé, vous m'avez dit, mais il faut absolument écouter le témoignage d'Alexandre. C'est un truc de dingue. Il y a une vraie question à poser derrière à Renault, et aux assureurs, et ça part d'un constat tout simple. Alexandre s'est fait voler sa Renault Zoé. Vous allez voir jusqu'où ça va aller. Ça sera dans un instant. Parce que auparavant, on va retrouver notre bon plan auto de ce dimanche. Peut-on vendre une voiture sans carte grise, Jean-Luc Moreau? Alors, en toute logique, non. Parce que si vous achetez, vous, une voiture sans carte grise, elle a toutes les chances de provenir d'une source douteuse. Vous allez me dire pourquoi cet accent ridicule. Oui, je comprends pas. Parce que c'est ridicule, voilà. Évidemment, on doit produire la carte grise pour éviter le trafic de voitures volées. Mais il y a certaines exceptions quand même. Par exemple, si vous achetez une voiture aux enchères, au domaine, il est fort probable qu'on ne vous remette pas la carte grise. Bon, vous allez me dire, je fais quoi alors avec ce véhicule sans carte grise pour le faire immatriculer? Eh bien, vous prenez votre mal en patience et puis vous allez au service, on va dire le service des mines, c'est plus simple. Mm-hmm. Parce que autrement, la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, c'est la DRIR, qui doit normalement vous délivrer une réception à titre isolé. Donc c'est franchement un parcours du combattant. Mm-hmm. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure... Alors, soit vous avez un véhicule récent, vous le laissez dans un coin pendant... Alors, admettons qu'il ait 5 ans, donc vous le laissez dans un coin pendant 25 ans. Oui. Soit vous avez acheté une Fuego sans carte grise à quelqu'un de confiance qui vous l'a vendu. Et là, vous pouvez, un véhicule en carte grise collection peut être immatriculé, même si le certificat d'immatriculation, puisque ça s'appelle comme ça, on dit carte grise encore, mais c'est certificat d'immatriculation, n'existe plus. Vous demandez à ce moment-là à la Fédération française des véhicules d'époque une attestation qui correspond aux caractéristiques du véhicule. Ils vont fournir cette attestation. Vous aurez besoin d'un contrôle technique et ensuite vous pouvez faire immatriculer en carte grise collection ce véhicule, même si la carte grise précédente a été perdue. Voilà. Par exemple, ça peut arriver pour des véhicules qui viennent de l'étranger, même si normalement un véhicule qui vient de l'étranger doit arriver avec sa carte grise ou avec un certificat, puisqu'il y a certains pays où les cartes grises ne peuvent pas sortir. Mais en revanche, les autorités vous délivrent un certificat comme quoi la carte grise a bien été restituée. Bon, on va dire que dans la grande majorité des cas, on n'achète pas un véhicule sans carte grise. Voilà, ça c'est important. Jean-Luc, comme promis, on accueille Alexandre au 3216. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Luc, bonjour François. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, Alexandre. Donc petit François message. François a dit, il vous a volé votre Zoé. Voilà. Il y a longtemps qu'il avait envie d'une Zoé. On va écouter le témoignage d'Alexandre qui est super intéressant parce qu'on parle de plus en plus de véhicules électriques, on parle de plus en plus de Renault Zoé parce que Jean-Luc, vous le répétez plusieurs fois. Oui, c'est le véhicule le plus vendu en France. Voilà, c'est sans doute la meilleure alternative. Oui, c'est une très bonne alternative électrique aujourd'hui. Et la Zoé a une particularité par rapport à pratiquement toutes ses concurrentes, c'est que on ne peut pas acheter la batterie. En tout cas, en France, on est obligé de louer la batterie. Et c'est de là que vient le problème, Alexandre. Racontez-nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Bah voilà. En fait, j'étais le propriétaire d'un véhicule Renault Zoé avec la location de la batterie. Ce véhicule m'a été dérobé le 19 mai dernier, donc voilà, déclaration auprès des services de police et tout a été fait dans les règles. Et j'ai attendu deux mois et demi avant que la DIAC m'annonce que mon assureur refusait de me prendre en charge la batterie. Alors la DIAC, préciser pour ceux qui connaissent pas, c'est l'organisme qui s'occupe de la location, c'est ça pour Renault? Oui, tout à fait, oui. C'est la DIAC qui s'occupe de louer la batterie pour Renault, c'est un organisme de Renault. D'accord. Donc la DIAC vous annonce, on est désolé, mais l'assurance ne prend pas en charge le remboursement de la batterie. En gros, c'est voilà, ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Sous prétexte que mon assurance me disait que la batterie n'était pas assurée. Donc voilà. Donc c'est là la question que je me pose, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, un assureur est capable d'assurer un véhicule électrique, tout en sachant qu'elle refuse d'assurer la batterie. Et l'organisme qui loue la batterie, lui, n'assure pas la batterie. Non, alors ça aussi, c'était quelque chose sur lequel je m'interroge, c'est pourquoi Renault, en sachant qu'elle reste propriétaire, quoi qu'il arrive, de la batterie, pourquoi elle ne loue pas la batterie assurance incluse, tout simplement. Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi dans ma situation que la batterie soit assurée en payant le loyer que je payais à la DIAC, quoi. Mais est-ce qu'il existe une assurance complémentaire pour le vol, justement, du véhicule et le vol de la batterie en particulier? Ça existe, ça? Je vous pose la question parce que, en fait, je ne sais pas. À ma connaissance, non. Chaque assureur qui accepte de garantir les Renault Zoé est censé assurer batterie incluse. Voilà, moi je payais pas une cotisation inférieure ou supérieure à d'autres véhicules. Les termes du contrat que j'ai actuellement, si je peux citer la compagnie. Oui. Ah oui, allez-y. Alliance et All Secure, qui est une filiale. C'est un gros assureur quand même. Voilà, oui, tout à fait. Eux, leur contrat ne stipule à aucun moment que la batterie est exclue de mon contrat d'assurance. Et au jour d'aujourd'hui, ils refusent l'indemnisation en me disant que j'aurais dû leur communiquer la copie du contrat de location. Chose, bien entendu, que j'avais faite à l'oral, malheureusement pour moi. C'est qu'effectivement, quand j'ai voulu assurer mon véhicule Renault Zoé, je leur ai bien spécifié que cette batterie-là devait être assurée puisque la DIAC réclamait une attestation d'assurance. Bien sûr, mais oui. Mon interlocuteur m'a bien fait comprendre que la batterie était en équipement de série du véhicule. Il n'y avait aucun souci là-dessus. La batterie sera assurée en cas de sinistre. Malheureusement, ça a été des belles paroles qui n'ont pas été jointes aux actes le jour où le sinistre a eu lieu. Quoi. Alors, aujourd'hui, la DIAC vous demande de payer la batterie. Le contrat de la DIAC prévoit qu'en cas de non-restitution de la batterie, une indemnité forfaitaire est à payer à la DIAC. Donc, effectivement, aujourd'hui, la DIAC me réclame 6 600 € pour batterie non restituée. 6 600 € de batterie? Voilà, tout à fait, oui. Alors, bon, Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe là chez Renault Zoé? Alors, le problème ne vient pas de Renault, d'après ce que j'ai cru comprendre, il vient de l'assureur. Il vient de l'assureur dont le contrat est pas extrêmement clair. Alors moi, je serais vous, j'irai voir un conseiller juridique quand même. Alors évidemment, pas en faisant jouer la protection juridique de votre assureur qui se tirera jamais une balle dans le pied, mais j'irai voir un conseil extérieur pour lui demander, parce que vous avez très bien dit, on ne peut pas dissocier la batterie du véhicule. Ben non. Donc il est ridicule d'assurer une voiture en n'assurant pas une partie de cette voiture. C'est un peu comme si votre Fuego était assuré mais pas le moteur. Vous voyez, on vous vole la voiture, mais le moteur n'était pas assuré. C'est franchement n'importe quoi. Moi, ça me paraît, c'est pas parce qu'il y a un élément qui est loué qui ne doit pas être couvert par l'assurance. La garantie vol doit jouer sur absolument tout le véhicule. Oui. Donc, il y a un vrai problème de ce côté-là, à mon avis. C'est auprès de votre assureur. Alors, c'est très bien que vous en ayez parlé, parce que moi, de mon côté, je vais voir au niveau des compagnies d'assurance comment ça se passe, justement, pour ces véhicules qui sont en partie achetés, en partie loués. Parce que quand le véhicule est loué en totalité, il n'y a pas de problème. Si vous avez une location avec option d'achat ou si vous avez un véhicule en location longue durée, ça existe depuis longtemps, les problèmes ne se posent pas. Là, c'est vrai que sur le cas de la Zoé est très particulier. On achète le véhicule, mais on n'achète jamais la batterie. En tout cas, en France, hein, il y a des pays où il est possible pour la Zoé d'acheter la batterie. Donc c'est un vrai. Là, c'est une vraie bonne question, Alexandre. Qui peut arriver à d'autres auditeurs. Ah oui, bien sûr. Alors maintenant, est-ce que les Zoé, ça se vole beaucoup? Je suis pas sûr. Très non, parce qu'en plus, ce sont des véhicules connectés, les Zoé. C'est-à-dire que chaque véhicule, on peut le suivre. J'imagine. C'est ça, c'est qu'il y a des systèmes de géolocalisation. À mon avis, il va forcément falloir qu'il se branche à un moment sur une prise quelque part. Oui. Donc, il peut y avoir une traçabilité. Ou alors, le gars qui l'a volé ne savait pas que c'était un véhicule électrique. C'est embêtant. Je sais pas. Alexandre, on va suivre un petit peu votre histoire parce que c'est important. Après, c'est vrai qu'on regrette, hein, on le dit souvent avec Jean-Luc, hein, le point faible de cette Renault, c'est la location de la batterie. Alors c'est le point faible ou le point fort, ça dépend de comment on le regarde. Non, mais en fait, il y a des arguments pour et il y a des arguments contre. Idéalement, on devrait avoir les deux possibilités. On pourra avoir le choix. C'est ce qu'offre Nissan sur la Leaf qui vous permet d'acheter le véhicule avec la batterie ou d'acheter le véhicule et la batterie et sans la batterie et de louer la batterie ensuite à côté. On revient dans un instant. Le 3216 auto@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler. À tout de suite. RMC 8h10h. Votre auto. Vivez vos émotions à 100% en découvrant l'application MyPMU. Recevez les cotes en temps réel et préparez vos paris avec des alertes personnalisées. MyPMU, l'application qui vous aide à parier en point de vente. À télécharger sur votre mobile. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, quand ils font leur anniversaire, eh ben c'est pas la fête. Hein. Et puis il y a l'anniversaire La Paire, avec une ambiance de folie et un festival de petits prix. Jusqu'au 2 novembre, c'est l'anniversaire La Paire, avec des offres à tomber. Par exemple, 25% de remise sur une sélection de portes de douche. Moins 25% sur les portes de douche. L'anniversaire La Paire, forcément, il n'y en a pas deux. La Paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. Le prix direct, c'est aujourd'hui seulement et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'un kilo de moules, de bouchons ou de Hollande, le deuxième kilo est offert. Oui, le deuxième kilo est offert. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Moules de bouchons élevés en France ou moules de Hollande élevés aux Pays-Bas, selon approvisionnement en magasin. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. Dis-moi, je recherche désespérément un espace original pour un événement. T'as pas une idée? Tu connais Lieu d'émotion? Lieu d'émotion? Oui, ils ont 8 salles de réception à Paris pouvant accueillir de 10 à 2000 personnes, toutes très atypiques. En plus, ils peuvent s'occuper du traiteur et des animations. Tu trouveras forcément sur lieudemotion.fr ou en téléphonant au 01 49 29 50 50. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert avec son volume de 6,6 m3 grâce à la banquette ModuWork et profitez de l'offre de lancement sur le nouveau Peugeot Expert Premium Pack à partir de 179 € par mois. Garantie, assistance et entretien 5 ans inclus. Nous comptons sur vous. Crédit bail sur 60 mois, 50 000 km après un premier loyer de 4 900 €. Détails sur PeugeotWebStorePro.com. RMC, 8h10, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Pratiquement 9h-10, le week-end des experts d'automobile. La météo, les infos dans quelques instants. Jean-Luc, l'essai de la semaine maintenant. Avec la Volvo V90 D5 AWD. All-wheel drive. C'est le grand break Volvo qui remplace le V70. Alors Volvo monte en gamme déjà depuis un petit moment, au propre comme vous figurez d'ailleurs. Il monte en gamme, donc c'est... Oui. Plus luxueux que c'était auparavant. Mmh. Et les voitures grandissent également. Ce break-là, il fait 4,94 m de long, donc faut pas avoir un minuscule parking. L'ancien faisait 4,81 m, voyez. Pour se garer dans Paris aujourd'hui, ça va être sympa. Ça a grimpé. Alors, sa première qualité, c'est que réellement, il est superbe, vraiment. Bon, les breaks Volvo ont toujours eu un design un peu particulier. Il y en a qui adoraient, d'autres qui détestaient, c'était un peu carré. Celui-là, franchement, il fait l'unanimité, vraiment très beau. Et... En tout cas, sur la finition que j'avais moi, c'est vraiment du grand luxe. Hein. L'intérieur n'a rien à envier aux références allemandes. C'est même plus chic. C'est plus chic. Pourquoi ? Parce que vous avez une sellerie en cuir Nappa. Les Allemands ont souvent des cuirs qui sont de bonne qualité, mais qui sont un peu raides. Là, les sièges sont extrêmement confortables. Le cuir est extrêmement doux. On a même l'impression parfois que c'est de la suédine. Vous avez des inserts en bois de bouleau qui viennent justement de Suède sur le tableau de bord. Franchement, ça égaye vraiment l'intérieur. Et puis, l'équipement est riche. Alors, il est riche pour les riches parce que il y a de nombreuses options. Ah. Par exemple, il y en a une que j'adore et elle est présente sur cette voiture-là. C'est la Hi-Fi Bower & Wilkins. Vous savez, le fameux système 19 haut-parleurs, 1400 watts, 12 canaux d'amplification qui vaut 3 400 €. Alors, on se dit, oulala, 3 400 €. Vous m'en avez parlé la semaine dernière. Voilà, déjà. Mais si on avait une installation audio de cette qualité-là chez soi, c'est pas 3 400 €, je pense qu'il faudrait multiplier par 3. Voilà, alors, la Volvo... On écoute la musique dans la voiture, mais oui, en fait. Oui, mais c'est vraiment un auditorium. Ouais. Et puis, bon, elle bénéficie, elle reprend, vous savez, toute la technologie du XC90 avec ce grand écran tactile vertical, qui est assez intuitif d'ailleurs, plus que le système Renault dont on a parlé la semaine dernière. Bon... Une voiture de 4,94 m de long, on se dit qu'il y a beaucoup de place à l'intérieur. C'est vrai, mais le coffre, en revanche, est à peine plus grand que celui de la V70. Et puis surtout, le dessin de l'ouverture du coffre est pas pratique pour les gros chargements. Voilà, ça c'est un des défauts de la voiture. Sinon, pour le reste, il y a franchement beaucoup de qualité. Alors, sous le capot, le moteur D5, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un 5 cylindres, mais un 4 cylindres diesel. Alors, deux turbos... 235 chevaux, beaucoup de couple, hein, 480 Nm à 1750 tours minute. Il est vraiment très souple. Mmh. Il est marié avec une boîte automatique d'une grande douceur. Il est discret. Il est tenu grâce à un système qu'a breveté Volvo qui s'appelle le Power Pulse. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le Power Pulse? C'est un réservoir d'air sous pression qui, au moment où on va accélérer, va donner de la pression au turbo basse pression. D'accord. Et lui permettre de tout de suite grimper dans les tours, et vous avez une réponse immédiate à l'accélération. Et franchement, ça marche pas mal. C'est vraiment un vaisseau fait pour avaler les kilomètres dans toutes les conditions. Cette version-là a quatre roues motrices, comme vous l'avez compris tout à l'heure. Vous avez les aides à la conduite les plus évoluées de chez Volvo, autant dire parmi les plus évoluées du marché, avec la détection des grands animaux, la conduite semi-autonome jusqu'à 130 km/h. Petite parenthèse, pour l'instant, la conduite autonome, malgré tout ce qu'on peut entendre sur tous les médias, franchement, c'est pas encore au c'est point. C'est pas encore au point. Non, franchement. Et puis en plus, j'ai encore réessayé là. Franchement, il faut vraiment être sur une route avec une délimitation des bandes blanches très bien marquées. Il faut pas qu'il y ait trop de trafic. Franchement, aujourd'hui, on en est encore pas là. Alors, notre version n'avait pas la suspension pneumatique active, facturée 1990 €. Mais malgré ça, elle avait un confort, on va dire, assez bon, qui aurait pu être meilleur si on n'avait pas eu les roues de 20 pouces, qui au demeurant sont facturées 1 800 €, donc option à oublier d'urgence, il faut garder les roues de 18 pouces d'origine. Une voiture un peu pataude, mais c'est ce qu'on attend de ce genre de véhicule. On n'attend pas un véhicule extrêmement dynamique, d'abord parce qu'il fait 1850 kg, et ce poids se rappelle à un moment ou à un autre à vous en virage, mais le comportement est très sain. Franchement, on prend beaucoup de plaisir au volant, avec une consommation, ça c'est peut-être une petite déception, l'homologation dit 4,9 litres au 100, en étant relativement raisonnable, je suis pas descendu en dessous de 8 litres et demi. Donc ça fait quand même un gros écart. Bon. Le dernier point, et c'est ça que vous allez préférer, c'est le prix. Bon, la D5 démarre, toute en 4 roues motrices, démarre à partir de 56 450 €. La finition inscription un peu plus luxueuse à 63 850. Et mon modèle d'essai en inscription avec quelques options, y compris la Hi-Fi dont je vous ai parlé tout à l'heure, 75 000 €. Donc je vous disais tout à l'heure que Volvo est monté en gamme. Ils ont aussi copié sur les Allemands en matière d'options. C'est-à-dire qu'on achète un véhicule de base qui est plutôt pas mal placé, mais quand on l'équipe, voyez, on passe de 56 450 à 75 000 €. Ça fait quand même, ça fait cher. Mais c'est vraiment une très belle voiture au sens de très belle voiture. Avec en plus cette volonté de la part de Volvo d'avoir plus aucun décès dans leur véhicule d'ici... Oui, 2020. 2020, ils ont annoncé qu'il n'y aurait plus de décès. C'est incroyable ce challenge, en fait. Hein. Mais non, c'est pas tenable. Imaginez que vous soyez coincé sur un passage à niveau et qu'un train arrive. Bon, vous êtes dans une Volvo, n'importe quoi, oui, tant pis, vous êtes mort. Oui, c'est clair. Voilà, si en tout cas, il y a cette volonté de rendre des véhicules sur vos roues, voilà, de plus en plus sécurisé pour qu'il y ait de moins en moins de morts dans ces véhicules-là. Exactement. Voilà. Ils vont suppléer le conducteur quand celui-ci sera déficient, ce qui est souvent le cas, puisque plus de 80% des accidents sont liés à des fautes de conduite. En effet. Jean-Luc, tiens, rapidement, petite question par mail, auto@rmc.fr, c'est la question de Max. J'ai été sanctionné à deux reprises, retrait de points et amende de 90 € sur la même route à 1 minute d'intervalle. Est-ce que c'est possible? Bah oui. Il aurait même pu être sanctionné une troisième fois, 1 minute plus tard. Et il y a de plus en plus. Alors, je vais vous donner, moi, je l'ai vu encore cette semaine sur la A15 à côté de Paris. Oui. Il y a une zone où il y a, alors, ils font des tests de, ils testent les cabines radar. Donc, il y a 3 cabines radar au même endroit. Donc, là, tout le monde le sait et les gens ralentissent bien. Et peut-être 1 km après, donc moins d'une minute après, sur un pont, les motards se placent là avec des jumelles, et tous ceux qui ont ralenti devant les radars et qui réaccélèrent jusqu'après se font prendre. Alors celui qui n'aurait pas ralenti devant le radar, il se fait toper, et puis il se fait toper un petit peu plus loin. Puis rien n'empêche d'être pris encore un peu plus loin. C'est le deuxième effet qui se coule. Voilà, il y a pas de. Donc, et là, il y a rien à faire. Je veux dire. Il y a absolument rien à faire. Voilà, c'est clair. Vous n'avez pas le droit d'avoir 2 PV pour stationnement au même endroit à une mais minute on peut d'intervalle, avoir mais vous pouvez vous faire prendre deux sur fois une sur route. Voilà. Évidemment. Là, ça fait mal quand même. Même tous les 50 mètres. Ça fait mal, surtout au niveau point. Voilà pour la question de Max. On revient dans un instant. La météo, les infos. On ira découvrir en avant-première le Mondial de l'Auto qui se réinvente pour cette édition 2016. On ira aussi du côté du Bourget pour le Salon des véhicules de loisirs. Et puis on retrouvera l'actualité de la semaine avec automoto.com comme chaque dimanche. À tout de suite sur RMC. RMC,

Seuls les vélos et les piétons sont autorisés à fouler les rues pavées, une galère pour les riverains comme Vincent. C'est un bazar. Première chose à faire, moi, je serai un homme politique, mettre des transports en commun et après, on supprime plus ou moins la voiture. Mais là, les gens dans les transports, c'est des bestiaux. Mais tous ne partagent pas cet avis. On voit des gens au lieu d'entendre des voitures. Et justement, ces gens sont nombreux à franchir le pas de la porte de la boutique de Jérôme. Un dimanche sans voiture, une aubaine pour ce bijoutier. Le dimanche, c'est une de nos meilleures journées, voire même la meilleure journée de la semaine. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui profitent justement que le quartier soit bouclé à la circulation pour se balader tranquillement et pas avoir à subir les klaxons, tout ça. Et ça promet d'être encore le cas aujourd'hui puisque la dernière opération Paris sans voiture avait permis de diviser par deux le bruit dans la capitale. Le reportage de Charlotte Perronnet. 38% des voix au premier tour contre 32. Alain Juppé reste favori de la primaire. Les Républicains, 6 points devant son rival Nicolas Sarkozy. Sondage BVA pour la presse régionale ce matin. Alain Juppé qui depuis quelques semaines a le soutien presque inconditionnel d'un autre homme du Sud-Ouest, François Bayrou. Il prendra la parole aujourd'hui pour clore les universités d'été du Modem. François Bayrou qui aborde la campagne présidentielle dans une situation pour le moins inconfortable, Stéphanie Collier. Vous savez, François Bayrou a toujours joué la carte de l'homme politique différent, qui veut transcender les courants politiques pour le bien de notre pays. Mais le temps des meetings plein à craquer et des sondages vertigineux est révolu. Son fauteuil de troisième homme, jadis bien confortable, est désormais convoité par d'autres, et notamment Emmanuel Macron. Sur sa droite, François Bayrou n'est pas plus à l'aise. Il appelle ses partisans à voter Juppé, à la primaire, mais en même temps, il affirme que si c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte, alors il ira. Comprenez qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Ce dimanche, donc, François Bayrou va devoir motiver les troupes qui sont de moins en moins nombreuses, 13 000 adhérents aujourd'hui contre 35 000 en 2012. François Bayrou, lui, préfère voir le verre à moitié plein. Il est crédité de 12% des intentions de vote dans les sondages. Un excellent score pour quelqu'un qui n'est pas encore en campagne, fait remarquer son entourage. Et Stéphanie Collier, qui en parlait, l'autre homme du centre en ce moment, c'est Emmanuel Macron. Lui non plus, pas encore candidat, mais d'ici quelques semaines, il devrait dévoiler ses intentions, notamment lorsqu'il rendra ses conclusions sur la grande consultation menée par son mouvement En Marche. Ce sera le 4 octobre prochain. Emmanuel Macron, qui était l'invité hier de BFM TV. Longue interview où, comme un certain Alain Juppé, il a voulu se placer au-dessus de la mêlée. Les politiques français, depuis plusieurs années, sont dans la situation de médecins qui n'écoutent plus leurs patients, mais qui prescrivent des ordonnances absolument insoutenables. Et d'ailleurs, la vie politique, on le voit ces derniers jours avec la primaire des Républicains, devient une espèce de concours d'ordonnances. On n'écoute plus les gens, on n'est pas sûr que ce soit les vrais problèmes. Est-ce que c'est les problèmes des Français de savoir si on vient des Gaulois? Est-ce que c'est les problèmes des Français, le premier problème, de savoir s'il faut ou pas mettre le burkini? Est-ce que aujourd'hui, dans le débat public français, vous avez le sentiment, vous tous les jours, de parler des vrais problèmes des gens? Mais moi, je ne crois pas. Voilà Emmanuel Macron, invité de nos confrères de BFM TV hier. À l'étranger, la police à Charlotte, aux États-Unis, a répondu tard hier soir à la demande des manifestants qui, depuis mardi, sont mobilisés après la mort de Keith Scott, homme noir abattu par les forces de l'ordre. L'opération a donc été filmée, la vidéo rendue publique, mais elle ne permet pas de savoir si la victime présentait un risque ou non, si elle portait une arme ou non. La colère de Paris, Londres et Washington face au drame qui se joue à Alep, en Syrie. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se réunir en urgence aujourd'hui, la deuxième ville du pays, donc sous les bombes du régime soutenu par la Russie depuis maintenant 6 jours. Anaïs Sens, quelques scènes racontées par les habitants sur place suffisent à comprendre l'horreur vécue par les habitants. 45 civils tués sur la seule journée d'hier, tous morts sous les bombes. Déjà 47 la veille. Cette semaine a été rythmée par des bombardements quasi incessants, un déchaînement de violence sans précédent, disent les ONG sur place dans ce conflit qui dure depuis maintenant 5 ans. Et des habitants qui restent cloîtrés chez eux. Les rues sont désertes car le danger dehors est bien réel. Hier, 7 personnes ont été fauchées par une bombe alors qu'elles faisaient la queue pour acheter du yaourt. Les 2 millions d'habitants doivent aussi faire face aux risques sanitaires. La totalité de la ville étant maintenant privée d'eau courante. Et puis ces paysages de désolation, des rues entières ont été détruites. Des témoins affirment voir les immeubles tomber comme des châteaux de cartes dans cette ville littéralement coupée en deux. D'un côté, les rebelles, de l'autre, les fidèles au régime syrien, tous des civils en tout cas à la merci des combats et dans l'impossibilité de fuir la ville. Les précisions directes ce matin d'Anaïs Sens, il est 9h05 sur RMC. Plus léger bien sûr, 17e au classement, 5 points en 7 journées, bilan famélique surtout quand on s'appelle l'Olympique de Marseille. L'OM reçoit Nantes ce soir au Vélodrome, l'OM et son coach plus que jamais menacé, Florent Germain. Oui, et cette fois, Franck Passy, l'éternel adjoint, est en première ligne au moment où l'OM vit sa première petite crise de la saison. Cela n'empêche pas l'entraîneur marseillais d'être rodé à la pression qui entoure l'OM. J'ai souffert pour Bielsa, j'ai souffert pour Michel, j'ai souffert pour Eli, pour José. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est adjoint qu'on souffre pas des critiques ou qu'on les prend pas pour soi non plus. Cette semaine, Passy a beaucoup parlé avec son groupe, essayé de changer quelques habitudes de son staff pour provoquer un déclic. Passy garde confiance. La seule chose qui me perturbe le plus aujourd'hui, c'est de pas gagner. Ne serait-ce que dans les trois derniers matchs. C'est des matchs qui auraient pu tourner en notre faveur. Et ça, oui, ça me fait enrager. Après, les critiques, ça fait partie du métier aussi. Le Vélodrome n'a jamais vraiment pris en grippe et local, Franck Passy. Une nouvelle défaite ce soir contre Nantes pourrait changer la donne. Et le voisin Monaco, lui est au sommet, leader de Ligue 1 après sa victoire 2-1 sur Angers hier soir. C'était dur, mais c'est déjà ça pour l'attaquant Valère Germain. Très difficile, une ambiance un peu bizarre au Louis II, il n'y avait pas trop de rythme en première mi-temps, on avait du mal à trouver des espaces. Voilà, la deuxième mi-temps était un peu mieux, même si on a encaissé un but assez rapidement. Au final, on retiendra les trois points. À la fin de championnat, on ne se souviendra pas qu'on a fait un mauvais match, mais on se souviendra des trois points. Donc c'est le plus important, il faut continuer d'avancer, continuer d'être en tête du championnat et voilà, bien récupérer, parce qu'il y a encore un gros match qui nous attend mardi. Et le sort inverse pour l'OL, Lyon qui est allé perdre 1-0 chez la Lanterne Rouge hier à Lorient. Même score pour Bastia face à Guingamp et pour Metz à Montpellier. Dijon écrase Rennes 3-0, 0-0 entre Bordeaux et Caen. Toulon, Clermont, c'est le choc du dimanche en top 14. Sixième journée avec Clermont qui écrase ses adversaires en ce moment. Et Toulon à l'inverse, en souffrance, en début de saison. 11e seulement au classement. Pour l'ancien Toulonnais Johnny Wilkinson, ça ne se joue à rien. Il y a des joueurs magnifiques, des entraîneurs magnifiques, mais si ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a un blocage. Tout le monde donne 100%, mais peut-être question de communication, question de connecter plus l'un avec l'autre. Je sais bien qu'ils donnent 100% chaque moment, mais si ça ne marche pas, c'est pas que les gens sont mauvais, c'est peut-être qu'il y a juste des décisions qu'il faut corriger un peu pour que ça se connecte, parce qu'en ce moment, c'est juste une déconnexion, que ça. Hier, Toulouse a renoué avec la victoire face au Stade Français. Des victoires également pour La Rochelle, Bordeaux, Bègle, Pau et Castres. Et puis, manifestement, il est au bout du rouleau, le meilleur nageur français du moment. Florent Manaudou, double médaillé à Rio cet été, n'a plus très envie de retourner dans le bassin. Besoin, semble-t-il, de souffler, Julien Richard. Oui, à bientôt 26 ans, il va faire une pause sans annoncer pour autant la fin de sa carrière, sans donner non plus la durée précise de cet arrêt. Une pause pour souffler, se consacrer à ses autres passions comme la musique, le cinéma. À Rio, Florent Manaudou avait émis l'idée d'une reconversion dans le handball. Selon nos informations, il a effectué un test avec l'entraîneur-joueur d'Aix-en-Provence, Jérôme Fernandez, en tête-à-tête avec l'ancien capitaine des Bleus pour le situer techniquement ballon en main. Et même s'il resterait du chemin avant de le voir passer de l'eau chlorée au terrain de hand, l'idée n'est pas forcément écartée. Une pause qu'il mettra surtout à profit pour réfléchir à son avenir dans la natation, avec un exemple à suivre peut-être pour lui, l'américain Tony Irvine, champion olympique du 50 mètres en 2000, retraité pendant 8 ans, avant de revenir et de décrocher 16 ans plus tard à Rio le titre, 1/100 devant Florent Manaudou. Voilà les infos RMC 2, Julien Richard, 9h09 sur RMC. On termine par les courses bien sûr François. Avec un tiers écarté quinté plus cet après-midi à Vincennes, Sébastien Darras est confiant avec le 11 Classic Way, le 12 Cœur Baroque. Brahim Asloum reste fidèle au 15 Traders et Laurent Guédard quant à lui retient le 7 Chicago Blues et le 10 Cara Williams. Le 11, le 12, le 15, le 7 et le 10. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Dans un instant, le retour du week-end des experts, l'automobile sur RMC avec Jean-Luc Moreau à mes côtés et nos invités. On va découvrir cette nouvelle édition du Mondial de l'automobile, le Mondial qui se réinvente. Le directeur général de Peugeot sera avec nous et puis bien sûr, toute l'actualité dans le domaine de l'automobile jusqu'à 10h et vos questions au 32-16. On est là dans une minute, à tout de suite. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là ? Rien non plus. Et si vous passez la main là ? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Sinon, ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtres, volets, portes, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Le Cross du Figaro revient dans un nouveau format et s'associe au Téléthon. Choisissez votre distance, 5, 10, 15, 20 km, votre jour et heure de départ. Faites avancer la recherche en soutenant le Téléthon. Plus vous courez, plus vous donnez. Le nouveau Cross du Figaro, les 26 et 27 novembre au Parc de Saint-Cloud. Inscription sur crossdufigaro.com. Carrefour. Franck, si tu passais à la foire au vin Carrefour pour découvrir la sélection de Paolo Basso, ça commence mercredi. Attends, Paolo Basso, le meilleur sommelier du monde 2013? Oui, et par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée, la deuxième est gratuite. Ah bah ça, c'est parfait pour ma cave. Dès mercredi, c'est la foire au vin dans vos hypermarchés Carrefour. Par exemple, pour une bouteille de vin Château Grayssac 2014 achetée à 13,90€, la deuxième est gratuite, soit 6,95€ la bouteille. Château Grayssac 2014, Médoc Cru Bourgeois, 250 000 bouteilles disponibles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. RMC jusqu'à 10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Un excellent dimanche avec RMC, merci d'être avec nous. Le week-end des experts, l'automobile. L'automobile, oui, ça s'appelle comme ça. Oui, on parle de moto aussi, oui, c'est le truc avec deux roues de moins. Et si c'est all-wheel drive avec deux roues, ça fait combien de roues motrices? Automoto.com tout à l'heure avec l'actualité de la semaine. C'est ça aussi qui était dans mon esprit. On jettera un œil sur ce qui s'est passé cette semaine sur automoto.com. Et oui, le salon des véhicules de loisirs aussi, Jean-Luc, tout à l'heure. Oui, vous qui avez envie de partir en vacances en camping-car, je le vois au fond de vos yeux. Si c'est pas avec vous, il n'y a pas de problème. Quelles sont les nouvelles modes? Vous savez que le van revient à la mode. Vous qui étiez hippie dans votre jeunesse, vous avez dû avoir un combi Volkswagen, non? Ben ça revient à la mode, pas le combi Volkswagen, mais les vannes. Les vannes d'ailleurs, elles sont à la mode dans cette émission, mais elles sont pas très très et bonnes. Et quand vous les faites, c'est vrai que c'est pas terrible. On va commencer par le mondial de l'automobile qui se prépare, c'est dans les starts. Ça va un petit peu ouvrir au public à partir de samedi prochain, du 1er au 16 octobre, Paris, porte de Versailles, on va le rappeler, et ça ouvre à la presse jeudi, ça veut dire qu'on va chausser nos baskets jeudi, pour aller découvrir ce salon qui, on va le rappeler juste comme ça en passant, reste le premier salon mondial automobile et le plus important salon français. On va demander le chiffre à Jean-Claude Giraud, qui est le commissaire général du salon. Jean-Claude Giraud, combien de visiteurs la dernière édition? Et bonjour. Bonjour. Bonjour, bien sûr. Bonjour. Plus d'1,3 million. Donc, c'est une nouvelle performance. C'est le plus grand salon encore automobile du monde. Vous dites encore? Oui, bien sûr. Il y a des chances pour qu'il soit détrôné. Encore et toujours. Dans ces prochaines éditions. Pour qu'il reste le premier. D'accord. Quel est le second en termes de fréquentation? Je sais pas vraiment. La Chine évidemment se monte, mais je regarde jamais les deuxièmes. Je regarde toujours le premier. D'accord. Voilà. Alors quand même, c'est le mondial de l'automobile à Paris. Alors aujourd'hui, le hasard du calendrier fait que c'est la journée sans voiture à Paris. C'est pas compliqué de faire un salon automobile, le plus grand salon automobile du monde, dans la ville la plus autophobe du monde? Non, c'est pas compliqué. Nous avons pris nos repères. Vous savez que le premier salon a eu lieu en 1898. Ah oui, Anne Hidalgo était très jeune à l'époque. Voilà. Donc c'était pas d'hier. Et depuis, le succès se perdure. La passion est là. Les visiteurs sont là. Donc mais Paris est la capitale. Paris sera toujours Paris. Paris libéré grâce à la voiture. Et il y aura toujours beaucoup de visiteurs. Ça reste, on a vu dans les différents sondages qui ont été publiés récemment, que les Français restent quand même très attachés à l'automobile. Ils sont plus de 80% à aimer ça. Exactement. Voilà, les 20% restants étant les Parisiens. 80% aiment ça. Et puis... En termes de com', c'est quand même un peu bizarre qu'il y ait cette journée sans voiture, quelques jours avant le début du mondial de l'auto, C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est presque drôle quand même, non? Ça peut être drôle, oui, mais il y a des choses qui sont de moins en moins drôles quand même. On sent quand même que vous vivez ça... C'est un peu stressant quand même, j'imagine. J'ai l'impression. Pas du tout. Non? Non, j'ai le calme des vieilles troupes. D'accord. Donc. Vous discutez avec la mairie de Paris? Ça m'est arrivé beaucoup d'avoir des dialogues avec l'adjoint au transport, parce que j'ai travaillé aussi beaucoup dans le transport. Donc, bien sûr, on dialogue. J'ai moins dialogué avec Madame Hidalgo, mais je pense qu'avoir l'occasion de le faire pendant le mondial. Est-ce que vous l'avez invitée? Est-ce qu'elle a accepté l'invitation? J'ai pas reçu la réponse, mais je l'ai invitée bien naturellement. Comment on peut imaginer que le maire d'une ville qui organise le plus grand salon du monde ne se déplace pas pour l'inauguration? C'est exactement une question que je me posais. Mais j'espère qu'elle va venir. Alors moi, j'ai certaines indiscrétions qui m'ont dit qu'elle viendrait. Bonne nouvelle. Et qu'elle se rendrait sur le stand de Volkswagen pour commencer. Et sans doute pas pour leur faire des compliments. Je préférerais qu'elle commence par les constructeurs français, mais moi je suis... Ça dénote de l'état d'esprit, alors je sais pas si ça va être le cas, mais ma source a l'air assez fiable. Donc il est possible que ça se fasse comme ça. Ça veut dire qu'en gros, on vient faire de la provocation au Mondial Automobile à Paris. Ça, alors ça. Si c'est dans cet esprit-là, ce serait vraiment malvenu. Non, mais Jean-Luc, là, c'est votre interprétation. D'ailleurs, si un représentant de la mairie de Paris nous écoute et veut intervenir... Il vaut mieux se préparer au pire, comme ça on n'est jamais déçu. Bien sûr. Et puis rappelons que le micro d'RMC est toujours ouvert à Anne Hidalgo si elle veut intervenir un jour. Monsieur Najdowski, sur le sujet de l'automobile, j'ai invité moins de fois, mais qui est toujours en week-end, c'est malheureux, quoi. Il n'a jamais pu venir. Notre émission est le dimanche, c'est ça le problème. Même quand nous l'enregistrons rarement dans la semaine, il est en week-end aussi dans la semaine. Bon alors, ce mondial de l'auto, on va revenir quand même à des choses sympas. Oui, alors, puisque s'il est en week-end, vous avez rappelé tout à l'heure que c'était du 1er au 16 octobre, donc il y a deux semaines, donc il peut venir dans la semaine, c'est pareil. Et il peut venir en transport en commun, parce que c'est facile maintenant. Ah oui, très facile d'accès. Le métro Porte de Versailles, c'est réglé, il y a le tramway aussi maintenant. Bon, alors, combien de halls cette année? Quelle surface d'exposition? Est-ce qu'on va encore avoir les baskets qui fument? Oui, bien sûr, on a plus de 123 000 mètres carrés, on a des halls qui seront bien remplis, on a des nouveaux exposants qui viennent. Les constructeurs nous annoncent, j'ai 35% de plus de nouveautés par rapport à 2014, donc il y aura beaucoup de nouveautés sur tous les stands, dans les technologies modernes particulièrement, donc ça va être intéressant. Nous, nous avons organisé aussi des nouveautés, puisque pour la première fois, il y aura une vente aux enchères. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des voitures. Oui, c'est vrai que Coys va vendre aux enchères. Alors, il y a un modèle que j'ai retenu pour François. Il y a une Cadillac qui est Doré l'Orphin de 1931 qui sera vendue pour vous. Je sais que ça correspond un peu à vos goûts. C'est parce vrai, que c'est vrai. La Fuego Orange, moi, la Cadillac bling Doré l'Orphin, ça ira bien avec, en fait. C'est pas mal. Vous avez le prix? Non. Ah non, malheureusement. Non, venez à la vente aux enchères qui aura lieu le 8 octobre et vous pourrez peut-être. Moi, il me tarde de voir une Peugeot dorée à leur fin, quand même. J'espère que ça va arriver. Je sais pas, on a le directeur général de Peugeot qui est avec nous. On va lui poser la question. Jean-Philippe Imparato. Bonjour. Bon, bonjour. Pas de modèle dorée à leur fin sur le stand. Non, c'est pas prévu comme ça. On peut créer une série spéciale si vous le voulez, mais je pense pas que ce soit l'immédiate attente de nos clients. Alors, on va faire juste le buzz pour la suite. Derrière. En revanche, oui. Peugeot est cette année le constructeur qui présente le plus de nouveautés. Suspense, on le saura. On saura ce que c'est dans. Voilà. On va découvrir les nouveautés Peugeot. Dans quelques un secondes. Le 3216 ou auto@rmc.fr si vous voulez intervenir ce matin. À tout de suite. RMC 8h-10h. Votre auto. Attention, il est de retour sur RMC le dimanche soir. Salut, c'est Daniel Riolo sur RMC. Dès ce soir, c'est le grand retour du RMC Poker Show sur RMC. Cette année, c'est Moundir qui nous accompagnera dans le show 100% poker. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Ce soir, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'était les meilleures vacances de ma vie. J'arrive sur une grande plage, superbe. Enfin non, une petite plage déserte. Et c'est là que je tombe sur cette fille. Non, je tombe sur ces deux filles. Deux brunes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Deux jumelles, blondes, magnifiques, qui sortent de l'eau. Et on a fait la fête dans une sorte de village hippie. Un village hippie. Voilà, et après on a fait des brunes. Il est vraiment temps de vous faire de nouveaux souvenirs. Jusqu'au 26 septembre, profitez de billets intercités à partir de 15 euros. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur sncf.com. SNCF. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune perte d'espace. Dès qu'on passe la porte, on arrive dans ce volume parfaitement pensé. Ah ouais, c'est super bien agencé. Et extrêmement modulable. Oh là là, c'est un coup de cœur. Et le prix? Écoutez, il vient juste de baisser. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la TVA est offerte sur toute la gamme Note. Remise 16,67% sur prix au 1er septembre, valable jusqu'au 30 septembre sur Nissan Note 9, dans la limite des stocks disponibles chez les concessionnaires participants. Nissan, innover autrement. Et si les pros communiquaient sans compter à travers toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai les SMS et MMS illimités en France. Et moi, avec Orange, j'ai les appels illimités en France et en Europe pour joindre mes clients. Et ben moi, avec Orange, j'ai 25 gigas d'internet mobile dans toute l'Europe. Il serait peut-être temps que tu prennes des cours d'anglais. Avec les forfaits mobiles Performance Pro et Open Pro d'Orange, communiquez avec vos clients sans compter en France et dans toute l'Europe. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable sur certaines offres, conditions et tarifs sur orangepro.fr. Petit message Peugeot en forme d'ordre de mission. Professionnel, votre mission, si vous l'acceptez, est de découvrir le nouveau Peugeot Expert. Avec ses portes coulissantes main libre, sa navigation connectée, son volume de 6,6 mètres cubes grâce à la banquette Modework et son moteur 2 litres Blue HDI offrant la consommation la plus basse de sa catégorie. Nous comptons sur vous. Professionnels, découvrez le nouveau Peugeot Expert dans le réseau Peugeot. Détails sur peugeotprofessionnel.fr. RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Avec Jean-Luc Moreau à mes côtés, Jean-Claude Giraud, commissaire général du Salon du Mondial de l'Auto qui ouvre ses portes samedi prochain. Et Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot, qui va nous faire découvrir en avant-première les nouveautés présentes au Salon. Le Peugeot Expert, il est dans le réseau en ce moment, mais sur le stand Peugeot, on va voir. Alors on peut appeler ça une réorientation, une révolution de Peugeot, c'est quoi? C'est alors déjà deux gros morceaux, au propre comme au figuré. Absolument, qui traduisent la montée en gamme de la marque. On parle de 3008 que vous avez vu déjà sur pas mal d'écrans et qu'on va présenter pour la première fois en public au salon de l'auto. On entre, comme on l'avait dit à Genève, dans le monde des SUV, qui est le segment qui a été multiplié par plus de deux plus depuis 2009, avec 3008. On y rentre avec un style de SUV, c'est une face avant verticale. On y rentre avec des grandes roues, une position de conduite élevée, de la robustesse. Ça, c'est la signature du SUV. Mais aussi avec ce qui fait notre petite touche à nous, c'est-à-dire cette espèce de synthèse entre le SUV et la sensation de conduite digne d'une Peugeot qui fait partie de notre ADN, ce qu'on a appelé cockpit, l'environnement intérieur qu'on réserve à nos clients depuis 308, puis après avec 2008 et maintenant avec 3008. Donc ça, c'est notre nouveauté du mondial. On va se servir du mondial de l'automobile à Paris qui constitue pour nous notre écrin pour lancer cette voiture. On joue à domicile là. Et donc, comme on joue à domicile, on va en plus faire une première mondiale. On va lancer 5008 en alors, même qui temps. N'est plus un monospace. Qui n'est plus un monospace. Et comme ne l'est plus 3008. Oui, voilà, qui est un SUV 7 places du segment C, hein, qui est du segment compact. Lui aussi, ce segment ayant été multiplié par deux depuis 2009. Et au passage, on est en train là de s'adresser à qui d'abord à tous ceux qui vont aimer le style, je l'espère, de ces voitures qui sont superbe de mon point de vue. Il y en a déjà qui apprécient beaucoup, même en interne, le style des voitures. Alors je vais pas vous donner de nom, mais il y a des gens chez vous qui ont dit chouette, le 5008 enfin devient une belle voiture, on va pouvoir rouler avec autre chose qu'une camionnette. Pourquoi avoir tardé autant à arriver en force sur le marché du SUV comme ça? Est-ce que c'est d'abord l'arrivée de Carlos Tavares qui a provoqué ce changement de cap? Parce que Peugeot auparavant, je vais pas dire était réticent, mais il y avait le 3008 était un crossover, c'était pas franchement un SUV. Le 2008, pareil, n'était pas franchement un SUV. Là, aujourd'hui, il a évolué dans ce sens-là. On a l'impression que vraiment, ça y est, la barre a été mise du côté de ces modèles à forte valeur ajoutée, il faut le dire aussi. Pour vous donner une expérience personnelle que je vis maintenant depuis l'arrivée de Carlos, effectivement, la marque s'est secouée. Le groupe a changé, vous l'avez vu, vous l'avez senti. Et puis mon prédécesseur, Maxime Picat, qui aujourd'hui est patron de l'Europe, me donne les clés d'une marque qui s'est complètement renouvelée, hein, qui s'est réinventée, qui monte en gamme et qui n'hésite pas à prendre des directions qui devaient être prises par le marché. Je veux dire, quand on a un segment C qui fait 1 700 000 voitures en Europe et que notre première fonction, c'est de faire des voitures qui correspondent aux attentes des clients, on y va. Donc on avait annoncé à Genève 5 nouveaux SUV. Vous avez eu 2008 MiV, vous avez eu deux annonces en Chine de véhicules qui sont des binômes à ceux que l'on lance en Europe. Et là, on y va avec 3008 et 5008. Donc je pense qu'on est en train de s'adresser aux plus de 1 million de clients qui nous avaient acheté 3008 d'un côté, hein, 700 000 et quelques, et 5008 de l'autre, qui vont venir découvrir une voiture qui passe dans le SUV sans sacrifier les prestations des monospaces. Et tout en ayant les sensations de conduite d'une berline. C'est alors ça la synthèse. On a le sentiment, quand on voit le 3008, je l'ai vu, on a le sentiment, alors certes qu'il va essayer de récupérer sa place de premier sur ce segment qui lui a été volé aujourd'hui par le Renault Kadjar. On a le sentiment donc que c'est un concurrent du Kadjar, mais qui va un peu plus loin parce que moi je trouve qu'il est presque plus concurrent d'un Volkswagen Tiguan. Est-ce que c'est réellement, vous nous avez dit Peugeot monte en gamme, mais est-ce que dans l'avenir, Peugeot sera une marque peut-être pas premium, mais moins populaire que ce qu'elle a pu l'être par le passé. Notre ambition est maintenant assez claire, hein, à l'esprit chez nous et dans le public. On veut être la meilleure marque généraliste haut de gamme. Pour être la meilleure marque généraliste. Ah, c'est pas généraliste. Facile, généraliste haut de gamme, c'est deux mots qui ont du mal à les mettre ensemble. Dans notre esprit, on le définit de la manière suivante. On s'adresse à toutes les couches de clientèle, premièrement avec une gamme complète de 108 à 508. On s'adresse à tous les publics.

C'est RLC, il est 9h30, un point sur l'actualité. Thomas Chupin, bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Les sports, le football pour commencer. Monaco retrouve sa place de leader de Ligue 1, victoire de 1 face à Angers hier soir. Lyon a perdu 1-0 à Lorient, des victoires hier soir pour Bastia, Dijon et Metz. En clôture aujourd'hui, Marseille reçoit Nantes. Le rugby, le top 14, La Rochelle devant au classement. La belle histoire se poursuit, victoire sur Bayonne hier. Castres, Bordeaux, Bègles, Pau et Toulouse ont également gagné. Toulon, Clermont, c'est le choc du jour sur RMC. Parole contre parole, vidéo contre vidéo. Policiers et minorités noires continuent de se déchirer à Charlotte aux États-Unis. Hier, la famille de Keith Scott publiait sa vidéo. Cette nuit, c'est au tour de la police de montrer comment l'homme a été abattu par les forces de l'ordre mardi dernier. Il reste malgré tout impossible de constater s'il était dangereux ou non. Toujours aux États-Unis, on vous parlait hier de cette fusillade dans un centre commercial à l'ouest du pays, dans l'état de Washington. Le tireur qui a tué 5 personnes a été capturé cette nuit. C'est un homme d'origine turque âgé d'une vingtaine d'années. La politique ce dimanche, c'est le retour notamment de François Bayrou. Il clôt cet après-midi les universités d'été du Modem en Bretagne. Pas encore candidat à la présidentielle, le maire de Pau souffre dans les sondages. 70% des personnes interrogées ne le voient pas comme un président potentiel. Et puis pas un bruit de moteur, pas un klaxon. Paris, ville sans voiture aujourd'hui. Deuxième année consécutive que la mairie organise cette opération. Entre 11h et 18h, aucune voiture autorisée à circuler dans la moitié de la surface de la capitale, François Sorel. C'est un peu une journée pour Jean-Luc Moreau aujourd'hui. Ah oui, il adore. Ah oui, ça lui fait plaisir. Hein. Mais d'ailleurs, il est venu à pied aujourd'hui. Ah ben, pas le choix. J'ai pas remarqué. C'est 22 euros sinon. Voilà, c'est ça. Il a usé complètement ses chaussures. On se retrouve le week-end prochain, ouais, Thomas. Merci avec beaucoup. Plaisir. Et un prochain point sur l'actualité. À 10h, le week-end des experts auto se poursuit. 32-16 pour toutes vos questions avec Jean-Luc Moreau et nos invités dans un instant. À tout de suite. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Jean-Luc Moreau, attention, une petite question flash. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Joris. Oui. Are you ready? Yes. Peut-on... Cet accent, ah, ouais, incroyable. Ouais. Peut-on se défendre seul devant un juge, Jean-Luc, après une infraction routière? Question de Joris, vous êtes sûr? Question de François S. de Paris. Voilà. Alors, oui, parce que une infraction au code de la route ne nécessite pas, quelle que soit la juridiction devant laquelle vous allez être présenté, que ce soit un juge de proximité ou même si vous allez en cassation, on n'a pas obligation d'avoir un avocat. Bon, c'est conseillé. Bon, dans votre cas, c'est fortement conseillé. Mais vous pouvez. On donc, l'appelle Rémi Jossom, notre. Oui, exactement. Notre vous pouvez spécialisé. Donc vous défendre tout seul. Alors, vous pouvez avoir demandé une copie du dossier pénal auprès du greffe de la juridiction qui vous jugera. Ça vous permet d'étudier un petit peu le dossier et éventuellement de préparer votre défense. Alors, votre défense, si vous arrivez en disant c'était pas moi, ça suffira pas. Bon. Ça suffira pas. C'était pas moi. Au volant de la Fuego, c'était ouais, pas moi. C'était pas monsieur moi. Je suis le juge. Pas d'accord. Non. Souvenez-vous que, jusqu'à preuve du contraire, si vous n'arrivez pas à démontrer par un témoin ou par des écrits que vous n'étiez pas responsable de l'infraction, ça sert à rien ça de venir vociférer devant le juge. Vous repartirez avec un PV encore plus lourd. En plus, il ne doit pas avoir que ça à faire. Et un retrait de points. Enfin, sachez que si vous avez une amende qui est supérieure à 150 euros, eh bien, vous pouvez faire appel. Et si c'est moins de 150 euros, eh bien, vous repartirez comme vous êtes venu avec 149 euros de moins, quoi. Mais vous le conseillez ou pas de se défendre tout seul? Non. Règle générale, il vaut vraiment mieux prendre un conseil. Sauf si, moi, il y a un cas de figure, je vous le raconterai peut-être un jour, où je serais allé me défendre tout seul, mais j'ai pas été convoqué, ça fait 2 ans et demi déjà. 2 ans et demi? Parce qu'ils vous connaissent comme le loup blanc, c'est pour ça. Ça doit être ça. Je pense qu'ils ont mis le dossier sous la pile. 32-16 pour toutes vos questions auto sur RMC. On est là jusqu'à 10h. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Merci d'être là. Comme tous les dimanches, c'est le week-end des experts et c'est l'automobile avec Jean-Luc. Jusqu'à 10h et après ce seront les GG du sport. Tout à l'heure, on retrouvera l'actualité de la semaine avec automoto.com. On va découvrir aussi le salon des véhicules de loisirs. Alors ça n'a rien à voir avec le mondial de l'auto. Non, mais ça se déroule actuellement même au parc des expositions au Bourget. Au Bourget, voilà. Nous, on fait journée avec voiture aujourd'hui. Ah oui, ça c'est clair. Nous, c'est journée avec voiture sur RMC. Et on a toujours avec nous en studio Jean-Claude Giraud, qui est commissaire général du salon du mondial de l'auto, et Jean-Philippe Imparato, le directeur général de Peugeot. Question qu'on voulait poser justement, que nous avons posé pendant la pause information à Jean-Philippe Imparato. Est-ce qu'il y a des modèles électriques ou hybrides qui sont prévues dans la gamme Peugeot dans un avenir proche? Alors, réponse oui, j'ai l'habitude de dire que sur le full électrique, on est déjà équipé avec Yon et partenaire et électrique. L'occurrence, on aura l'occasion au Mondial de voir un city bike électrique qui est la solution de mobilité du dernier kilomètre, qui pourrait intéresser pas mal de gens, y compris nos visiteurs au salon. Pour ce qui est de la nouvelle génération, donc deux choses. Nous passerons progressivement à partir de 2019 les premières applications de plug-in essence hybride. C'est une solution dans laquelle vous avez 60 km d'autonomie électrique complète, hein, vraie, complète, et 40% de baisse de consommation. Donc, premières applications 2019 jusqu'à 2021. Et dans les mêmes ordres de grandeur ou d'échelle de temps, des offres électriques full électrique avec une autonomie qui est très significative et qui vous permet là de basculer dans un monde électrique autonome. Mais là, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer par exemple une 208 électrique, ou ce seront de nouveaux modèles qui pour l'occasion pourraient arriver? Ou est-ce que ce serait les déclinaisons de véhicules existants déjà qui passeraient en full électrique? Par exemple, un 3008 hybride, on peut envisager. Absolument. Moi, je parle de full électrique. On pourra imaginer tout à fait l'inclusion dans la gamme traditionnelle et progressivement de full électrique. On peut imaginer donc un 208 électrique dans ces ordres de grandeur de délai. D'accord. Très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, au Mondial de l'automobile, cette année, on va pouvoir continuer à essayer des véhicules électriques, on est bien d'accord, y compris et des véhicules au gaz. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté. Effectivement, on a une grande piste d'essai de véhicules électriques à l'intérieur du hall 3. Et puis, nous aurons trois véhicules gaz, parce que le gaz est aussi une alternative pour des véhicules propres. Pour circuler principalement en agglomération, d'ailleurs, ça peut être extrêmement intéressant. Principalement, oui, mais dans le transport routier, maintenant, le gaz camions, se développe beaucoup. Oui. Et donc, lorsqu'il y aura suffisamment de stations pour les camions qui seront utilisables par les voitures, je pense que ça va se développer aussi. Est-ce que le Mondial de l'Auto de Paris a besoin de se réinventer pour garder sa place de leader? Cette année, il y aura des deux roues, un petit peu comme à Tokyo. Oui, non, c'est pas se réinventer, c'est évoluer, écouter d'abord nos exposants, ce qu'ils veulent faire, écouter les visiteurs, etc. Donc il faut être à l'écoute. Et puis effectivement, j'ai remis les deux roues. Donc traditionnellement, les constructeurs auto qui ont des motos avaient des motos sur leur stand, ça sera le cas cette année. Et devant le hall 1, nous aurons aussi des constructeurs motos qui feront aussi rêver les visiteurs, parce que c'est l'automobilité et les gens passent maintenant indifféremment d'une moto à une voiture, etc., ou au vélo. Peugeot le prouve dans ses offres de véhicules, avec des vélos aussi électriques, etc. Donc, tout ça concerne la même visiteurat. Et les gens sont intéressés par ça. Donc, il y aura des motos, et je pense que ça va avoir beaucoup de succès. Et les expos thématiques également, les voitures stars du cinéma? Oui, ça aussi, cinéma passion, voiture passion. Nous aurons 48 voitures qui ont fait des films ou des séries télévision. Je citerai la Ford de Bullitt, la 403 de Colombo, les voitures du Visiteur, le Berlier Gazelle de la Belmondo. La DS de Fantomas qui va intéresser particulièrement François. Hein, vous faites bien le commissaire Juve, vous? Ah, j'adore, j'adore. Moi, j'adorais la DS qui s'envolait à la fin de Fantomas. Oui, c'est ça. Donc, on va avoir les voitures qui vont faire rêver. Ouais. Et puis, alors pas que les voitures qui ont tourné dans les films, j'ai vu une photo, enfin en tout cas sur le dossier de presse, des véhicules qui servent à tourner les films également. Oui. Une deux chevaux avec en fait le conducteur qui est installé à la place du moteur à l'avant. Avec les cascadeurs et tout leur montage, les spectateurs, visiteurs pourront voir comment on tourne un film dans une voiture. Bien souvent, les acteurs se parlent, retournent, mais donc elle est conduite et il y a tout un. Ouais, bien souvent, système. Ils conduisent pas. On a l'impression qu'ils sont au volant, mais en fait, il y a quelqu'un d'autre. Donc là, le visiteur pourra découvrir un peu les derrière des coulisses. Malgré tout, il y a des constructeurs qui ne seront pas présents au Mondial de l'Auto. Ah oui. J'ai l'impression. Ah, j'en parle jamais, moi. Mais il faut en parler malgré tout, parce que ce sont des grands. Il y a Ford, Mazda, Volvo qui sont pas là, hein, visiblement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bah, j'ai pas l'habitude de commenter la stratégie commerciale de mes clients, qu'ils soient anciens, actuels ou futurs. Donc ils ont décidé de pas venir, c'est leur problème. J'aurais préféré qu'ils soient là, mais ils reviendront peut-être en 2018. Alors à l'inverse, combien de constructeurs sont là? Alors c'est une bonne question. Le nombre de constructeurs, il y en a 200. Moi je vous le dis. Mais exposants, parce qu'il faut faire la différence entre exposants et constructeurs. Voilà. D'accord. Donc j'ai pas le chiffre complet. Il y a 200 marques du secteur automobile, sans doute plus d'exposants. Nous avons des constructeurs qui auront agrandi leur stand, par exemple, comme Tesla, qui ont un temps plus grand. On a des équipementiers nouveaux. Plasticomium n'était pas là, ils sont là cette année. Donc on voit que la filière automobile se rassemble dans cet écrin, comme l'a dit mon voisin, dans cet écrin de la voiture qu'est le mondial automobile. Jean-Philippe Imparato, le stand Peugeot, bon, hall 1, on imagine, quelle superficie? 4000 mètres carrés et les nouveaux modèles dont on a parlé tout à l'heure, Peugeot 3008 et 5008, combien d'exemplaires parce que j'imagine, je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on a évoqué le Peugeot 3008, ça a eu un succès absolument incroyable. On a vraiment l'impression que les Français attendent cette voiture. Absolument, et comme ils l'attendent, on va en mettre partout, on va dire, sur le stand. Donc il y aura 3008 et 5008 seront extrêmement bien représentés, vous verrez. Mais il y aura un bout de rêve en plus. Hein. Ah. Parce que vous savez qu'on a gagné l'année dernière Dakar avec 2008. Et l'ensemble des équipes, Bruno Famin en tête et ces gars voulaient retourner au Dakar avec 3008 DKR. Donc on lève le voile sur 3008 Dakar cette année, qui est juste splendide. Donc quand on vient au salon, on montre ce qu'on a et on va le montrer vraiment d'une manière résolue et extrêmement valorisante pour l'ensemble de notre gamme, vous verrez. Alors, rendez-vous, bien, ça commence le week-end prochain. Et ben, on va en parler le week-end prochain. La différence, c'est qu'entre temps, on sera allé voir, donc on aura des choses réellement à commenter. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du Mondial de l'Auto. La semaine d'après, d'ailleurs, hein, aussi, puisque ça dure quand même. Bien sûr. Jusqu'au 16 octobre, Paris-Porte de Versailles. Le prix, juste pour terminer, l'entrée, combien? Le billet d'entrée, 16€. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Et, 9€ pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Et parfait. Donc pour ce prix-là, vous pouvez voir donc toutes les nouveautés, voir l'exposition fabuleuse, voir les voitures de sport dans le hall 1 où il y a tout un stand sur le sport automobile et découvrir encore de nombreuses nouveautés dont vous ne manquerez pas de parler, je suppose. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. 9h42, Jean-Luc. Autre salon qu'on va découvrir maintenant, c'est le salon des véhicules de loisirs avec Caroline Nagiel qui est avec nous au téléphone. Bonjour. Bonjour, bonjour Caroline. Alors, 51e édition du Salon des véhicules de loisirs qui, lui, a lieu tous les ans. Hein, contrairement au Mondial de l'Automobile qui est une année sur deux, vous, c'est tous les ans. Alors absolument, on est à la 51e édition. C'est un salon annuel qui est au Bourget. On est le deuxième salon le plus important après l'aéronautique. Et bien sûr, le plus important quand le salon de l'aéronautique qui est biennal ne se tient pas. Et le plus important salon du genre en Europe même. Alors on est salon international, on est très important au niveau de l'Europe, on n'est pas le plus important, mais on est le plus important en France. D'accord. Alors on y voit quoi? On y voit des camping-cars, on y voit des caravanes, on y voit des remorques. On y voit des mobil-homes, des accessoires, des équipements. Et qu'est-ce qui est à la mode? Il y a le van qui paraît, le van revient à la mode, c'est ça? Alors, le van, effectivement, fait une grosse poussée sur le marché. On doit être à peu près à 25% aujourd'hui. Donc, avec des nouveaux modèles qu'on trouve chez tous les constructeurs, notamment nous, constructeurs français, qui, je vous rappelle, sont tous exportateurs et construisent également sur des sites allemands ou italiens. Et effectivement, chaque constructeur français de très grande taille s'est mis au van avec un succès qui ne se dément pas. Alors c'est quoi un van pour ceux qui connaissent rien? Alors un van c'est un fourgon aménagé, c'est ce qui ressemble plus à une grosse voiture, à un monospace, et qui à l'intérieur peut recevoir 2 ou 4 personnes, et qui est totalement aménagé pour la vie à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait on peut y dormir, s'y restaurer, y faire sa toilette. On a aussi des fourgons aménagés avec des roses de toit. C'est-à-dire qu'en fait vous roulez, vous êtes comme un fourgon normal, une voiture un peu importante normale. Et lorsque vous êtes à l'étape, vous pouvez rehausser le toit et ça vous fait une chambre supplémentaire. D'accord. Dans le marché des camping-cars, alors j'ai vu, vous allez me rafraîchir la mémoire parce que j'ai vu le chiffre, mais c'était un plus 30 et quelques pourcents au mois d'août sur le marché des camping-cars, c'est bien ça? Absolument, absolument. On était à plus 35% sur le seul mois d'août. Comment on peut expliquer ça? Quel type de clientèle achète des camping-cars pour qu'il y en ait autant? Alors le type de clientèle, le cœur de la clientèle bien sûr, reste senior, parce que les seniors ont plus de temps, plus d'expérience, ont envie un peu de revivre des lieux de leur jeunesse qu'ils voient dans un second temps, et surtout des zones de moindre importance touristique. C'est-à-dire qu'ils aiment bien aller découvrir le terroir, rencontrer des personnes, partir hors saison, puisqu'on utilise aussi le camping-car bien sûr pendant les week-ends, pas que pendant des congés, voire des congés scolaires. Bien que nos seniors voyagent beaucoup avec leurs petits-enfants. Et puis on a une clientèle de Quadra qui arrive sur ce marché avec soit deux jeunes enfants, soit en couple, pour barouder un petit peu avec des groupes d'amis. Ils partent à plusieurs camping-cars et ça leur permet de changer de destination et puis surtout de ne pas réserver. Le grand avantage du camping-car, c'est que vous n'avez pas besoin de réservation. Oui, c'est la liberté, vous êtes libre. Absolument, c'est la liberté. Vous pouvez partir s'il ne fait pas beau. Vous n'êtes pas contraint comme une location d'appartement ou une réservation de chambre d'hôtel. Alors dans les grosses nouveautés, alors moi j'ai vu un truc qui m'a bluffé. J'ai vu un camping-car qui s'ouvrait à l'arrière, on rentrait une voiture dedans, une Fiat 500 en l'occurrence. Oui, c'est un peu extrême alors, peut-être. Alors, oui, c'est un petit peu extrême. C'est pas le cœur du marché, mais ça existe. C'est très pratique pour des routards expérimentés, des routards du camping-car, là, qui peuvent avoir effectivement leur voiture quand ils sont à l'étape, qui peuvent sortir leur voiture. Ouais. Le cœur du marché, c'est plutôt les camping-cars de moins de 6 mètres, c'est ça? Donc on peut conduire avec un permis normal. Tout à fait. Alors un camping-car, donc c'est une automobile, c'est la même législation. Ça se conduit avec un permis B, donc 3,5 tonnes. Et il y a un grand avantage également, c'est que les camping-caristes, enfin les conducteurs qui ont eu un permis B avant le 20 janvier 1975 peuvent conduire tout type de camping-car sans limitation de poids. Ce qui est un joli avantage et qui permet bien sûr de changer de véhicule beaucoup plus facilement. Alors après, bien sûr, le camping-car doit être homologué dans sa catégorie. C'est-à-dire s'il fait plus de 3,5 tonnes, il est homologué plus de 3,5 tonnes. En revanche, le conducteur peut le conduire sans être contraint de passer un permis poids lourd. Merci beaucoup Caroline Agiel, déléguée générale du Salon des véhicules de loisirs. Qui se déroule jusqu'à soir encore, donc au Bourget. Parfait. 9h47, dans un instant, Nicolas Brioux de la rédaction d'Automoto.com nous rejoint. On s'intéressera à l'actualité automobile de cette semaine. A tout de suite. RMC, votre tour. Auchan s'engage contre le réchauffement climatique et ça va intéresser les propriétaires qui veulent faire des travaux d'économie d'énergie. On en parle aujourd'hui avec Gilles Tournier, responsable du programme. Alors Gilles, c'est quoi la prime éco-énergie d'Auchan ? Eh bien, c'est une prime versée directement sur la carte de fidélité Auchan pour financer une partie des dépenses de rénovation énergétique comme l'isolation et le chauffage. Vous pouvez recevoir jusqu'à 2000 euros d'aide, en plus de certaines aides de l'État. Et comment on fait pour en bénéficier donc ? Alors très important, avant d'engager les travaux, il faut s'inscrire sur le site Prime Énergie Auchan. Vérifiez que vos travaux sont éligibles, puis choisir un professionnel RGE. Quand les travaux sont faits, c'est très simple. Vous envoyez votre dossier complet et quand il est validé, la prime est versée sur votre carte Auchan. Génial. Donc, on peut dire que la prime éco-énergie d'Auchan fait baisser le prix des courses. Exactement. Et vous pouvez connaître à l'avance le montant qui vous sera versé avec le simulateur de prime sur le site primeénergieauchan.fr. Gilles Tournier, merci. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Et voilà, c'est terminé au stade 42. L'équipe de la fibre a largement dominé les débats. Quelle vitesse! Bravo la fibre Free! Avec la fibre Free, passez à la vitesse supérieure. Débit descendant max théorique jusqu'à 1 gigabit par seconde et débit montant jusqu'à 200 mégabits par seconde. Sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. Bonjour, vous êtes chez Martin Plomberie. Je répare une dizaine de fuites, j'installe la tuyauterie d'un immeuble et je serai de retour d'ici une petite demi-heure. On est plus efficace quand on travaille avec Citroën Berlingo. En ce moment, Citroën Berlingo Blue HDI, élu utilitaire de l'année au Trophée Argus, est à partir de 129 euros par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 3110 euros, offre non cumulable hors taxes sous conditions de reprise réservées aux professionnels, valable jusqu'au 31 décembre. Détails sur citroencarstorepro.fr. RMC, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Voilà, pratiquement 10h moins 10. Suite et fin de ce week-end des experts automobiles avant de retrouver les GG du sport. Jean-Luc, on accueille maintenant Nicolas Brioux, journaliste à automoto.com. Avec qui on va faire un petit tour d'horizon rapide de l'actu de cette semaine. Bonjour Nicolas. Bonjour messieurs, bonjour Jean-Luc. Bonjour, alors, avec Cocorico, la France est championne d'Europe? Oui, tout à fait. Bon, absolument. Je sais pas s'il faut dire Cocorico, ça serait plutôt Cocorico. Ouais. Ben oui, championne d'Europe des diesels sales, c'est ça? Alors, les diesels sales, oui. Alors, bon, là, c'est quand même pas étonnant que nous soyons champions d'Europe des diesels sales, sachant qu'on est quand même le plus gros producteur et le plus gros consommateur de diesel, ce qui est une hérésie totale. Votre invité de chez Peugeot est bien placé pour le savoir, un PSA, premier producteur de diesel. Ouais, mais PSA, justement, est pas dans la catégorie de ceux qui font des diesels sales. Faut le dire, quand même. D'accord. Enfin, je veux dire, il faut pas être hypocrite. On a fait croire aux gens, quand je dis on, les constructeurs, les pouvoirs publics, les journalistes ont fait croire aux consommateurs qu'ils avaient des voitures peu polluantes. Il suffisait d'être un peu intelligent, de voir qu'entre les consommations annoncées, on vous annonçait 3 litres ou 4 litres de consommation, vous saviez très bien que vous consommiez 6 ou 7. Par définition, la pollution était supérieure. Je fais allusion au scandale Volkswagen. La pollution est forcément supérieure à ce qui est annoncé. Alors, évidemment, dans des proportions quelquefois assez alarmantes, vu que, comme vous le savez, ce qui est considéré comme diesel sale, ce sont des diesels qui émettent, qui dépassent au moins de 3 fois les normes de NOx, les fameux oxydes d'azote. Et il faut savoir que dans certains cas, certains diesels dépassent de 15 fois les normes, ce qui est complètement dément. Et on ne citera pas, les coupables, parce qu'on ne peut pas citer une marque française qui est justement dans le collimateur. Donc, je veux dire, pour moi, il y a quand même une hypocrisie. Si vous voulez, par définition, toute activité est polluante, et l'automobile et le diesel en particulier l'est particulièrement. Voilà. Merci Anne Hidalgo. Alors, la France, pays du X, c'est ça ? Pays du X, vous faites allusion, si je comprends bien, à l'appellation qui concerne le nouveau Zafira, c'est ça ? Le nouvel Opel Zafira. Voilà, vous passez du coq à l'âne très facilement, heureusement que j'ai mes petites fiches. Donc le Zafira X, alors vous allez me dire pourquoi X ? X, c'est le patronyme qui va désormais caractériser tous les futurs SUV et crossover Opel. Et le premier à avoir eu le patronyme X, je peux vous demander, Jean-Luc, si vous c'est le savez. C'est le Mokka X. Bravo, Jean-Luc. Ah, il est incollable, là. Nicolas. Le Mokka X. Et le Mokka, le Mokassin, comme tout le monde sait. Bon, alors, le Zafira. Le Zafira sera produit en France, c'est ça la grande nouvelle, c'est qu'il va être produit à Sochaux. Pourquoi Sochaux ? Parce qu'il va partager sa base technique et sa ligne de production avec le fameux 3008 dont vous avez tant parlé tout à l'heure avec vos invités. Donc il va être bien alors ce nouveau Zafira X. Il n'y a aucun problème, vous sous-entendez que l'ancien Zafira n'était il était pas mal. Voilà, non, alors c'est des accords entre PSA et GM, c'est pas la première fois comme vous le savez que PSA se marie, hein. Il y a eu Mitsubishi pour les C4 Aircross et 4008, il y a eu Toyota pour les petites 108 et C1, et il y a eu autrefois le gros Fiat comme vous le savez pour les anciens monospaces. Donc c'est très bien, je pense que tout le monde va être content, les constructeurs et les clients, vu que ce Zafira X devrait être très très bien, hein. Il n'y a pas de raison. Made in France, il va être bien. À découvrir normalement au prochain salon de Genève. Alors, vous avez eu le privilège, on va dire ça comme ça, de rouler avec une petite voiture abordable que tout le monde pourra se payer. Pour Saoudien pressé, absolument. Ouais, le SUV Bentley. Alors, on dit le prix pour commencer ? Alors, on peut dire le prix, mais alors justement, le petit Bentayga, vu que c'est lui dont on parle, le Bentayga, 217 000 en prix de base. Ouais, de base, il n'y a rien dedans. Ouais. Genre, si, il y a quand même un volant et des roues, je vous rassure. C'est plutôt pas mal. Et du bois et du cuir, jusqu'à 300 000 euros, mais je vais vous dire quelque chose, Jean-Luc, ça n'est pas le 4x4 le plus cher de la production, contrairement à ce qu'on lit à droite à gauche. Vous avez une petite camionnette Mercedes, le G, dans sa version 65, le classe G dans sa version 65 AMG, qui coûte la bagatelle de 270 000 euros. Plus cher que le Bentley. Ah oui, mais alors donc, comment c'est le Bentley ? Alors le Bentley, c'est un gros loukoum extraordinaire, d'une facilité de conduite déroutante, hein, ça se conduit honnêtement mieux que ma mobilette. C'est super confortable, on n'en attendait pas moins de la part d'une Bentley. Bon, je parle pas de la finition du bois, de l'ambiance intérieure, c'est extraordinaire. Oui, il doit y avoir 1000 vaches à l'intérieur encore. Ouais, à peu près, ouais. Et surtout, ça pousse, vous ne pouvez pas vous imaginer, ça m'a rappelé en accélération, j'ai réussi à faire crisser les 4 roues motrices quand même au démarrage, ça m'a rappelé une fabuleuse 911 Turbo S d'il y a quelques années, c'est absolument hallucinant. Et savez-vous quelle est la vitesse de pointe annoncée par Bentley ? Non, parce qu'on va attendre une photo radar pour être sûr. 301 km/h. Ouais. Et ça sert à quoi, franchement ? C'est super utile. Bah, je pense à certains riches Zémir. Certains riches Zémir pour aller se promener, pour passer pour aller dans les dunes, pour aller un peu partout. Enfin voilà, c'est histoire de dire. Enfin, 300 km/h sur les dunes, il faut être fort quand même. Hein. Oui, non, ça c'est sûr. Mais c'est quand même assez fabuleux, si vous voulez. Il partage sa base technique, comme vous le savez, avec l'Audi Q7, hein, vu que je vous rappelle évidemment. Ah oui. Alors, crime de lèse-majesté en plus, comme vous avez dit Q7. Voilà. Bentley va mettre un diesel dans ce modèle. Première Bentley diesel, quelle honte. À quand une Ferrari diesel? Vous savez, on a eu le même discours discours à l'époque, rappelez-vous le fameux Cayenne diesel Porsche. Ils avaient juré que jamais ils mettraient de diesel, que le plaisir commençait au-delà de 4000 ou 4500 tours. Ça nous a tous fait rire. C'est le modèle le plus vendu de Porsche, c'est le Cayenne diesel. Donc effectivement, il y aura un Bentayga motorisé par le V8 4 litres diesel, quand même de 435 chevaux, biturbo plus compresseur 900 Nm. Ça devrait fonctionner tout à fait correctement, je pense. Ouais, bon, enfin, bon, je pense pas qu'on aille s'acheter ça tout de suite, Jean-Luc. À moins que vous vouliez partager avec moi, on pourrait peut-être. Bon, bah écoutez, moi je serai à l'arrière. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Nicolas Briouze, donc journaliste à automoto.com. Merci. À très bientôt. Au revoir. Et Jean-Luc, on se retrouve dimanche prochain. Avec oui, on parlera, vous savez de quoi? Le mondial de l'auto. Ah ben exactement. Formidable. J'ai tout compris. Et oui, et puis si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à visiter ce grand salon. On va retrouver dans un instant les GG du sport avec Serge Chimon. Salut Serge. Salut François, salut Jean. J'apprends que... Bonjour Serge. Bentley va faire un diesel. Mais tout fout le camp, ma Voilà, c'est ça. Il y avait déjà, Marseille qui foutait le camp, le PSG qui fout le camp, et Bentley qui fait du diesel. Mais où va-t-on, ma brave dame? Heureusement, Mercedes sauve le truc avec un truc à 270 kg et des cacahuètes. Heureusement, voilà. Les valeurs sont quand même respectées. Merci beaucoup. Les GG du sport dans un instant. Serge, on va parler de quoi? Rapidos. Alors, très rapidement, du football, du rugby avec les Fidji en top 14. L'arrivée de Nakarawa au Racing 92 qui a explosé hier devant les écrans. Formidable. Du tennis avec Benoît Paire qui se gâche. En tout cas, c'est la question qu'on pose tout à l'heure. Et puis du sexisme dans le sport. Un livre choc de Béatrice Barbus. Elle sera notre invité vers midi. Dans un instant, les GG du sport. Et on se retrouve le week-end prochain. Portez-vous bien et bon dimanche. RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. Le prix direct, c'est aujourd'hui seulement et c'est chez Intermarché. Pour l'achat d'un kilo de moule, de bouchot ou de Hollande, le deuxième kilo est offert. Oui, le deuxième kilo est offert. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Moule de bouchot élevé en France ou moule de Hollande élevé aux Pays-Bas, selon approvisionnement en magasin. Dis-moi, je recherche désespérément un espace original pour un événement. T'as pas une idée? Tu connais Lieu d'émotion? Lieu d'émotion? Oui, ils ont 8 salles de réception à Paris pouvant accueillir de 10 à 2000 personnes, toutes très atypiques. En plus, ils peuvent s'occuper du traiteur et des animations. Tu trouveras forcément sur lieudemotion.fr ou en téléphonant au 01 49 29 50 50. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement. Et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et le loyer, il est charmant aussi? 99 euros par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. En septembre, pendant les journées technologie Nissan, la citadine Nissan Micra est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra Visia, un litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, si accordiaque jusqu'au 30 septembre. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Vous êtes artisan ou conjoint d'artisan? Du 1er au 14 octobre, vous élirez vos représentants à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Votez pour les candidats de l'UPA. Ils défendront à 100% les intérêts de votre entreprise. Retrouvez-nous sur upa.fr. L'artisanat, c'est nous. Votez UPA. Et là, chérie, j'ai suggéré que l'entreprise passe chez Direct Energy pour l'électricité et le gaz. Ah, et donc? Et donc, mon patron a trouvé ça super malin, et donc on économise 10% grâce à moi. Et donc? Eh ben, on a une nouvelle photocopieuse. Ah, super. Avec Direct Energy, en 5 minutes et dès aujourd'hui, les professionnels aussi peuvent payer l'électricité et le gaz jusqu'à 10% moins cher. Appelez le 3099 ou rendez-vous sur directenergy.com. Service et appel gratuits, voire conditions sur site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Où va le monde? Quel est le sens de la vie? L'œuf ou la poule? On a le temps de se poser d'autres questions quand on sait quelle voiture choisir. Citroën C1 Live à partir de 8690 euros avec ses 3,46 m, aide au démarrage en pente et feu diurne à LED. Dépêchez-vous, c'est en ce moment. Oui, mais barbe ou moustache? Citroën. Offre sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans valable jusqu'au 31 octobre. Détails sur carstore.citroën.fr. Vous écoutez RMC, dans quelques instants les informations, puis les grandes gueules du sport. Mais tout de suite, un point sur la météo avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste, le soleil se lève à l'est et la pluie arrive par l'ouest. La pluie signe son grand retour effectivement aujourd'hui. Seules les régions à l'est seront épargnées. Du Grand Est au pourtour méditerranéen, le ciel est bien dégagé en ce moment et il va le rester tout au long de la journée. Ailleurs et surtout dans le sud-ouest, les pluies vont arriver, hein, si elles ne sont pas déjà là. Les nuages s'installent sur l'ensemble du sud-ouest. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, mais mais aussi jusqu'aux portes du Massif central. Il va pleuvoir cet après-midi. Et Météo France prévoit des orages en Ariège, mais aussi en Lozère et sur les Pyrénées-Orientales. Plus au nord, les pluies présentes ce matin en Pays de la Loire et en Normandie vont gagner du terrain. L'Île-de-France dans les prochaines heures, puis les Ardennes au cours de l'après-midi. Et les températures cet après-midi, ça se rafraîchit. Dans le sud-ouest, du coup, moins 10 degrés par rapport à hier. Il fera 22 à Bordeaux, 22 à Toulouse, 20 degrés à Paris. Par contre, à l'est, elle reste toujours assez élevée. 26 prévus cet après-midi à Strasbourg, à Lyon ou encore à Marseille. Et en ce moment, le thermomètre affiche entre 12 et 20 degrés, 12 degrés à Mulhouse et 20 degrés à Toulon. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 15h, Football Ligue 1, Saint-Etienne-Lille. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Toulon-Clermont. 17h, retour à la Ligue 1 avec Nancy-Nice, suivi à 20h45 de Marseille-Nantes. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Les dimanches 10h, c'est le temps des grandes gueules du sport dans quelques instants. Mais là, tout de suite, le journal présenté par Guilhem de Prévoisin. Bonjour Guilhem. Bonjour Serge, bonjour à tous. La journée nationale d'hommage aux harkis. François Hollande va présider une cérémonie officielle vers 11h15 dans la cour des Invalides. Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen seront présents 54 ans après les accords d'Évian. La situation de ces hommes qui ont combattu aux côtés des soldats français pendant la guerre d'Algérie est toujours très compliquée. 500 000 personnes de cette communauté vivent en France. Dalina Seri, vice-présidente de l'association pour la justice, l'information et la réparation des harkis, attend peu de cette journée d'hommage national. À chaque échéance électorale présidentielle, on nous remet sans arrêt la reconnaissance de l'état de l'abandon et des massacres des harkis, et ça ne se fait pas. Pareil pour François Hollande, qui n'a pas tenu ses promesses, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Reconnaître que la France, elle n'a pas été à la hauteur, qu'elle les a abandonnés, c'est sûr, faire une loi mémorielle, faire une loi de reconnaissance, faire des cérémonies, c'est bien. Mais il faut aussi que, voilà, que à côté de ça, il faut aussi tenir les promesses électorales, quoi. C'est tout.